Et voici maintenant une compilation des meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou, diffusées tous les jours du lundi au jeudi, soit Assemblage requis de 6h30 à 9h30 et le Dîner de cons de 11h à 13h. Bonne écoute! C'est Marie-Christine Perra, voici gratin et vin gratuit. Raisin en grappe, fromage brie, des galeries d'art, elle se nourrit d'art d'œuvres, de photographies, d'art visuel en tréfluvie. Voici gratin et vin gratuit. Ah, c'est adorable ça tout le temps. Alors. J'adore, ah, oui. J'adore. Salut Marie-Christine Perra. Ben bonjour Mathieu Plante et Tania... Baudin. Baudin. Bon, je finis par savoir ton nom au complet, puis sans t'appeler... T'avais juste à pas dire mon nom de famille, t'aurais pas dû dire le sien, mais c'est bon, parce c'est... que t'as dit le mien, fait que là, ben ça m'a... T'es la chroniqueuse, t'es l'inhabituelle dans l'équipe, parce qu'on te reçoit juste aux deux semaines. Ben exactement, puis ben j'ai une bonne mémoire habituellement, mais là peut-être que c'est ça, c'est un lundi matin difficile. Mais par contre, je tiens à souligner... que quand c'est la semaine de relâche, les stationnements sont gratuits à l'UQTR. Ça, c'est pas une opportunité pour eux de faire du cash sur le dos de ceux qui ont à se pointer à l'université. Ben non, comme habituellement ils font, mais là vraiment c'est gratuit, fait que là je suis stationnée vraiment proche de la porte. Puis je suis pas dans le 30 minutes, fait qu'aucun stress de on peut jaser longtemps. Ça, je peux rester jusqu'à 11h, il y a pas de problème. Parfait. Allons-y, commençons tout de suite si on veut se rendre jusqu'à 11h. Ben oui, effectivement. Donc hier, j'ai été dans un vernissage au centre d'exposition Raymond Lanier, qui est juste en haut de la bibliothèque à la Maison de la Culture en plein centre-ville de Trois-Rivières. Downtown Trifluvi. Downtown. Et puis, ben, peut-être à souligner, Raymond Lanier, qui est Raymond Lanier? Moi? Bonne question. Ouais, c'est un artiste peintre. Bon, reconnu, peut-être pas mondialement, mais reconnu à Trois-Rivières du moins. Ouais. Puis sa sœur, Rina, a aussi une bibliothèque à son nom à Joliette. Ah, mon Dieu. Hein? Famille artistique. N'as-tu des affaires intéressantes ici? Malade. Donc, j'ai été dans ce centre d'exposition qui est très beau, très grand. C'est une belle place, finalement. Donc, c'était l'exposition. Mais il y en avait deux, en fait. Il y a Vite Grenier, qui est présenté par Henri Morissette, qui est un sculpteur. Tu connais bien Henri? Ben, de la Ligue d'improvisation mauricienne. Oui, c'est ça. J'ai cru comprendre qu'il a déjà joué dans la Lime. Il est là, présentement. Là. OK, il joue là. Ben, pas là, lundi matin. Là, il est là. Là, en train de jouer. En ce moment. Il est seul dans la salle. Une longue improvisation de 24 heures seule. Donc, tant mieux. J'ai peut-être qu'un jour j'aurai la chance. Les prix qui sont remis au gala à la fin de l'année sont des fois faits par Henri Morissette. Ah, ben ça se peut. Ben, je sais qu'il y a eu une espèce de bric-à-brac mobile un temps où il y avait toutes sortes de trucs de quincaillerie, là, des boulons, des... Nomme-en, là, moi, c'est la seule affaire qu'on connaît, c'est ça, oui, des boulons. Ça. Là. Il y avait des boulons, des vis, merci. Des clous. Merci, Tania Baudin. Puis, puis il faisait des petites figurines avec ça. Il se promenait avec son espèce de bric-à-brac là, mobile. Je sais qu'il a déjà eu ça. Donc, c'est quelqu'un qui travaille le métal puis qui récupère beaucoup. Donc, ça faisait beaucoup de temps, beaucoup d'années. Bon nombre d'années. Écoutons, j'ai beaucoup de difficultés à m'exprimer, mais c'est pas grave. C'est lundi. C'est lundi. Ouais, c'est ça. Je sais pas pourquoi j'ai choisi de faire ça le lundi, d'ailleurs. Drôle d'idée. Pourquoi l'émission n'est pas du mardi au vendredi à la place du lundi au jeudi? Ouais, c'est vrai. Parce que le vendredi. Et... c'est vendredi. C'est ça. Ah, bon. C'est pas fait pour travailler. En tout cas, je vais y arriver. Donc, ça faisait plusieurs années qu'il ramassait toutes sortes de trucs de quincaillerie, finalement, disons-le comme ça. Mais surtout, il a fait une obsession sur les peintures de portes. OK. Bon, ça peut paraître étrange. Ouais, c'est ça. Ça peut paraître étrange comme ça. Mais il a réussi à ramasser des peintures de plus ou moins grandes dimensions. Ça dépend, tu sais. Mais quelle rigolade! Mais quel embout! Ouais. Et puis, ben, il a rajouté des petites pattes de coq sur ces peintures-là. Okay. Puis ça donne... des multiples, donc ça donne beaucoup, beaucoup de petites poules avec les peintures qui sont placées. En tout cas, il les transforme finalement, mais la peinture, elle est la même, mais il a rajouté des petites pattes, puis là, ben, t'as l'impression que ce sont des poules, mais pour vrai, il arrive vraiment à les personnifier, ces petits personnages-là. Il est spécial, Henri Morissette. Oui, il est spécial. Bon, je connais pas l'homme, mais je connais un petit peu les œuvres. Puis, c'est donc, absurde. Ben, je dirais pas que c'est de l'absurde, mais ça s'est déjà vu, ça, de transformer un objet du quotidien pour en faire un animal ou pour le rendre anthropomorphique. Est-ce que ça a un nom, cette technique-là? L'anthropomorphisme? Ben, l'anthropomorphisme, c'est quand ça ressemble à un humain, quand ça ressemble à un animal, c'est peut-être du zoomorphisme. Oh, bon point, ça. Je sais pas, peut-être que c'est ça. Mais donc, il fait ça avec les... Il y a un paquet de poules, il doit en avoir, je m'avance, mais pas loin d'une centaine de poules, sinon du moins 70. C'est exactement ça. Comment le zoomorphisme, la tendance à attribuer à quelque chose des caractéristiques animales. Oh. Félicitations. Ah, merci. Je suis touchée par moi-même. Donc, bizarre. Ouh, c'est chaud. Donc, trêve de touchage. C'est ça. Donc, il y a des petits poussins aussi avec ses pentures, tout ça, zoomorphiques. Il y a un paquet de choses. Il y a des lézards aussi avec des espèces de grandes tiges de métal. Il y a toutes sortes de petits animaux. C'est vraiment... très ludique, très amusant, très mignon. C'est très réussi. Vraiment, on ressent l'animal sous la peinture. Je trouve vraiment que ça fonctionne très bien. Après ça, ben, sur les socles sur lesquels sont présentés ces petits animaux-là de métal, ça me fatigue. Ça va tout le temps tourner dans le bar. Nos micros sont un petit peu... Vieillots. Ils sont rustiques. C'est ça. Ils sont vintage. Ah, OK. Allons-y comme c'est ça. C'est vis, dans le fond. Ça manque de boulons. Ouais, oui, Henri Morissette, s'il vous plaît. Ou de Boat. Tania Beautin. Sur les Boats. Donc... je sais même plus ce que j'en fais. Oui, c'est ça. Les socles sur lesquels sont présentés ces petits animaux sont faits avec aussi des objets, on pourrait dire qu'on pourrait retrouver même chez l'antiquaire, là, des vieilles boîtes de bois, mettons, 7-Up, là. Ouais. Mm-hmm. Puis des vieux barils de bois. Donc, ben, pas toutes, là. Il y en a que c'est des meubles un peu plus récents, une espèce de mélamine, là. Mais sinon, il y en a beaucoup que ce sont des objets comme ça en bois rustique. Mm-hmm. Finalement, un peu comme les vis des micros. C'est fou. Donc, ça donne vraiment quelque chose de très bien, là. En général, l'exposition, elle occupe quand même deux grandes salles, là, puis ça fonctionne très bien. Il a l'affaire, M. Morissette. Sinon, il y a une autre section où... ben, il y a aussi du 2D un petit peu, là. Il y a des toiles qui sont présentées. Ça, j'ai moins accroché là-dessus. Mais sinon, il y a des animaux en peluche dans une certaine section. Puis là, il y en a un, c'est un petit ourson, puis qui est dans une genre de chaise haute en bois, vieillotte, rustique. Puis, il y a une espèce de soluté qui est comme d'hôpital, qui est branché sur lui. OK. Donc là, ça donne une image assez particulière. Puis là, je me demandais si c'était pas une espèce de message que l'enfance, des fois, elle peut être meurtrie ou une enfance qui est pas belle, une enfance sclérosée. Je sais pas trop ce qu'il voulait en venir avec ce... T'es bonne pour voir des messages dans tout, toi. C'est ton talent, je pense. Ben oui, c'est ça. Super pouvoir. C'est pour ça que j'ai décidé de venir même le diffuser publiquement, ouais, sur les ondes radiophoniques. Donc, je sais pas où ce qu'il voulait s'en aller avec ça, mais moi, c'est ça que j'ai compris, finalement. Puis, il y avait aussi une section où tout était orange. Okay. Donc, il a ramassé un paquet d'objets orange, comme un vieux plat Tupperware, là, tu sais, avec les couvercles striés, oui, là, vraiment vieux. Donc, il y avait ça, puis il y avait des clémentines séchées également. Okay. Puis, c'était une œuvre interactive. Donc, il y avait une petite commode à côté, puis on pouvait tirer les tiroirs qui, eux, étaient jaunes. Puis, on pouvait tirer les tiroirs jaunes, puis à l'intérieur, il y avait des objets oranges qu'on pouvait venir ajouter sur un espèce de... Comment ça s'appelle, donc, là... où ce qu'on pouvait écrire là, dans l'ancien temps, là, un secrétaire. Oui. Sur une espèce de secrétaire, on pouvait venir apposer les objets. Il y avait une corde, on pouvait mettre des épingles à linge orange, évidemment, sur la corde orange. Donc, on pouvait venir changer, modifier l'œuvre. Donc, c'est une œuvre interactive, évidemment. Puis là, ben, je ne sais pas si vous m'avez bien écouté depuis les deux dernières fois que je suis venue, mais j'ai une petite question pour vous. Mm-hmm. Il serait où les ready-made dans ça, dans cette exposition-là? Oui, les ready-made. Je me rappelle que tu nous as enseigné les ready-made. Hein? Attends, oui. C'est une bonne question. Ça, c'est quelque chose que tu prends dans la vraie vie, que tu lui donnes aucune autre... Ouais. Tu lui fais absolument rien de plus, tu fais « je vais le mettre là », mais vu qu'il est dans un musée ou dans un... ça devient... C'est une... ça. Okay. Mais ça serait pas son entièreté? Ben, pas tout à fait, parce que les petites poules, les petits animaux, eux, ils ont été transformés. Les clémentines. La pièce orange, exactement. Oui. Ça, ce sont truffés de petits ready-made, mais qui deviennent en fait une installation. Tu sais, fait que là, on est comme entre deux eaux, mais oui, c'est ça. Merci applaudit. De m'avoir écouté, oui. Bravo, yeah, yes. Bravo, Tania. Il y avait aussi une autre œuvre qui était un genre de poteau, là, puis il y avait deux traces de pas, puis c'était marqué « Vous êtes ici », comme dans les centres d'achat. Mm-hmm. Mais là, on pouvait se mettre les pieds, donc ça disait « Vous êtes ici », mais précisément la personne qui posait ses pieds. Ouais. Puis juste en haut, il y avait une main qui manipulait un pantin. Ah, tu jouais toi-même la marionnette. Ben, c'est ça que je me demandais. Je dis, là, est-ce que c'est moi qui ai manipulé? Est-ce que c'est l'artiste qui manipule les objets, l'artiste qui manipule la société, les dirigeants qui manipulent le peuple, les sociétés privées qui manipulent les dirigeants? Oh, plein de choses en même temps. Une chance que c'était pas un Roadrunner parce qu'il y aurait une enclume qui t'aurait tombé sur la tête. Ben, ça aurait pu, heureusement. Je remercie encore une fois Henri Morissette. Mais là, je me disais, comme c'est la personne qui est vraiment qui a les pieds là, ben, je me disais que c'est peut-être, tu sais, l'art qui manipule exactement mon être pendant que je suis exactement dans le musée. T'sais. Ah oui. Fait que, en tout cas, je sais pas trop. On le sait pas. Il y a pas tout à fait de réponse à tout ça. Il pourrait sûrement pas te dire. C'est une interprétation personnelle. Ouais, ben c'est sûr que je peux aller lui demander parce qu'il était là dans un vernissage. Ça, c'est l'avantage aussi. C'est pas seulement les Boostify et le vin gratuit. Qui d'ailleurs, le Centre Raymond Lanier a. Ils ont pas mal une note parfaite sur, sur ce qu'ils offrent. Ce qu'ils offrent à boire et à déguster. Il y avait des petits chocolats, des fruits séchés enrobés de chocolat noir. Ils étaient vraiment bons. Puis il y avait de la bière du Trou du Diable, trois choix quand même. Il y avait du vin blanc, du vin rouge. Mais moi, comme je prends des médicaments, ben j'ai bu du Perrier. Mais c'est correct. Citronné ou? Non, okay. Perrier. Basic. Perrier basic, mais dans une coupe. Ah ben oui. Puis ma fille a pris un jus de pomme, puis mon chum, un jus d'orange. Oh, c'est cute. C'est pas pire, on était santé. Belle famille. Ouais, c'était pas pire. Donc, ben voilà, c'est ça. Puis donc, il y a tout ça, évidemment, dans les vernissages, mais il y a aussi les artistes qui sont présents sur place, donc on peut discuter avec eux. Ils se mangent pas, fait. Moi, ah, ben là, ça, c'est, ça dépend lesquels, puis j'ai pas envie de penser à ça. C'est que... Donc, ben, je vous laisserai avec ça pour la première partie de l'exposition, puis je vous enverrai avec une chanson, justement avec un autre Morissette. Je sais que j'en parle à chaque fois, mais là, je vais arrêter là, d'en parler. La personne qui fait le thème musical, qui s'appelle Daniel Morissette, sort un album vendredi, pas vendredi, coudonc, je suis pas capable de dire la bonne date pour lui. C'est vrai, hein, lundi passé aussi. Oui, j'avais dit le 31 décembre, mais c'est le 31 octobre, qui n'est pas vendredi, mais samedi. Donc, samedi, le 31 octobre, Daniel Morissette sort son deuxième album au bar L'Embuscade. Donc, ben, je vais vous passer un extrait de son deuxième album, donc, qui est une chanson qui s'appelle « Le soldat ». Écoute ça, assemblage requis. Comme je maudissais à l'école, loin d'être les sacs symboles que reflétaient mes idoles dans les films hollywoodiens. Comme je détestais bien sûr les arts, la littérature, tant qu'à y être la peinture. Un jour je me suis dit tiens, comme j'en rêvais tout petit et j'en perdais l'appétit à guider sur le tapis mes petits soldats de plomb. Je me suis rasé le crâne, j'ai enfilé ma bécane, je suis allé vendre mon âme pour m'enrôler comme un pion. Depuis que je suis soldat, je bénis le Canada. Et si je suis robotisé, un peu lobotomisé, j'ai des salaires faits pour ça. Quand on n'est pas étudiant, qu'on ne fait pas 65 ans, l'appui du gouvernement est plutôt mince au pays. Les programmes pour chômeurs, ce n'est pas pour les penseurs, ceux-là qui mettaient des fleurs dans le canon des fusils. Je dirais à ces poètes, ces auteurs, ces interprètes qui chantent pour la planète, l'appel l'amour. Bas, imbécile, allez chanter pour la reine, pour l'armée. Voyez comme je suis payé, bien plus que vous par l'État. Depuis que je suis soldat, je bénis le Canada. Et si je suis robotisé, un peu lobotomisé, j'ai les salaires faits pour ça. Si on m'ordonnait aussi d'exécuter l'ennemi à l'aide de mon fusil, allez chercher l'assassin, moi j'exécute plus haut le mandat des généraux, bien assis dans leur bureau, chacun s'en lave les mains. Si une troupe nous assiège, que l'on tombe dans un piège, il faut bien qu'on se protège. À la guerre tout est permis, qu'une balle frôle ton cil, tu peux mitrailler la ville, on t'honorera en file d'avoir servi ton pays. Depuis que je suis soldat, je bénis le Canada. Et si je suis robotisé, un peu lobotomisé, j'ai les salaires faits pour ça. amputé, donc me voilà relevé de mon mandat. Je leur ai légué mon bras, à l'instar des vétérans. Perdre un bras, oui, c'est beaucoup, mais quand j'y repense après coup, c'est perdre aussi le tatou que j'arborais noblement. Donc, de retour au bercail, où des jeunes sous la paille, décrocheurs sans travail, mordent à nos publicités, puisqu'il n'y a aucun ministère qui les aide, on leur suggère d'aller mourir à la guerre, au nom de la liberté. Depuis que je suis soldat, je bénis le Canada. Et si je suis robotisé, un peu lobotomisé, j'ai les salaires faits pour ça. Depuis que je suis soldat, si je suis robotisé, un peu lobotomisé, j'ai les salaires faits pour ça. Daniel Morissette, la pièce Le Soldat. Oui, bien sûr. Donc, je vous invite en grand nombre à l'Embuscade le 31 octobre. Puis sinon, son album va être disponible au Archambault. Oh! Fancy, dès le départ. Pas pire, hein? Le seul endroit où ils vendent des CD encore. Là. C'est ça, exact. Ben, ça, puis t'as genre la caisse enregistreuse du dépendant. Mais je lui souhaite pas que ça se rende jusqu'à là. Ah oui? Ah, je connais pas cet endroit. C'est moins... Non, le dépanneur, souvent, il y a des petits présentoirs à CD de La Voix et autres. Des dépanneurs. Ah, ouais. Ben, c'est Walmart. Non, Walmart, ben, je vais jamais là. Bon, tu vois. T'es, ben trop... t'es au-dessus de tout ça, toi. Ben, je suis tellement, paraît. Moi, dans le gratin que je vais pas chez Walmart. Donc, quand je vous avais dit qu'il y avait deux parties à l'exposition, mm-hmm. donc la première d'Henri Morissette, qui est vraiment, franchement, très réussie, beaucoup de travail dans tout ça. Un autre aussi qui a travaillé très fort, qui s'appelle Clément Côté. Lui, je le connaissais pas. Je sais pas si c'est un artiste de la région, vraiment, c'est un inconnu pour moi, mais ce qu'il a fait, c'est intriguant, je dirais ça comme ça. Donc, c'est dans une quand même une grande salle, donc il y a une seule œuvre au centre de la salle, donc la salle va être encore plus grande, finalement. Mmh. Puis c'est tout éclairé en jaune. Donc, quand on approche de l'œuvre, elle a l'air très jaune, alors qu'elle est faite en bois de chêne, donc elle est... naturellement brunâtre jaune, mais là, c'est très accentué. Puis ça représente un arbre. Ben, en fait, le titre de l'œuvre et de l'exposition, c'est « L'arbre d'eau ». Donc, ça représente un arbre comme un peu spiralé. Puis c'est un assemblage de plaquettes en forme de gouttes d'eau. Ils sont toutes vissées les unes aux autres, donc ça fait un tronc qui est très... avec du mouvement quand même. C'est très beau. Qu'est-ce que ça donne? Ça fait penser un petit peu à une écorce de palmier. Mm-hmm. Puis lui, il trouvait que ça ressemblait aussi au baobab, les arbres d'Afrique. Puis ça pouvait rappeler un saule pleureur parce que tout en haut de l'arbre, qui est un peu bougeant, bien, il y a des espèces de gouttes d'eau qui sont suspendues aussi au bout de branches spiralées. Ça ressemble un peu à une voie lactée aussi, le haut de l'arbre. Puis là, il y a les gouttes qui sont suspendues là, donc ça le rappelait aussi un saule pleureur pour lui... À ce moment-là, ça lui évoquait ça. Puis aussi, je l'entendais parler parce qu'il était là, tout près de son œuvre. Puis c'était un petit peu plus... pas solennel, ben ouais, un petit peu plus... intime. Ouais, parce que dans la salle où il y avait les expositions d'Henri Morissette, c'est très éclairé. Puis il y a un paquet d'œuvres. Puis il y avait beaucoup de monde qui circulait. Puis on pouvait jaser fort. « Hey, salut, comment ça va? » Tout ça. Comme propre au vernissage. Ben oui. Puis là, de l'autre côté, quand on entrait là, c'était plutôt comme un espèce de sanctuaire. Puis c'était très calme, très doux, très feutré comme ambiance parce que tout était jaune. Puis sinon, il n'y avait aucune lumière à part quatre spots jaunes directement sur l'œuvre. Puis là, lui, il était là, puis il y avait deux personnes. On était comme plus timide, disons, quand on entrait dans cette pièce-là. Ce qui n'est vraiment pas négatif en soi, mais c'est une autre ambiance. C'est très différent. Donc, il était là, il parlait un petit peu, puis il disait que ça lui faisait penser aussi à la forme d'un trou noir avec l'espèce de... Là, je ne sais pas trop c'est quoi ça, là, mais l'espèce de spirale blanche qui émanerait d'un trou noir ou qui irait autour d'un trou noir. Où il y a déjà eu des spirales lumineuses dans les ciels genre de Russie. Mmh. Là, en tout cas, fait que lui, il y avait quelque chose qui avait un lien avec ça. Puis, il disait aussi l'éclairage jaune, ben, ça rappelait le soleil. Puis c'est l'arbre d'eau, donc c'est le soleil et l'eau qui forment la vie. Puis lui, il était très touché par toutes les recherches sur les exoplanètes que la NASA faisait. Mm-hmm. Parce qu'il dit, moi, quand je suis née, ça n'existait pas, ça, des exoplanètes. Puis là, maintenant, ils en ont trouvé plusieurs. Puis tout ce qu'on cherche toujours, bien évidemment, ce sont des planètes autour d'un soleil qui ont de l'eau. Donc, lui, il était vraiment autour de ces deux éléments-là qui sont source de vie. Donc, c'est sûr que c'est moins... moins tape à l'œil qu'Henri Morissette où il y en a plusieurs, puis c'est amusant, puis tout ça. Là, c'est plus... ça serait plus solennel, disons, puis c'est plus... Hermétique, presque. Un peu. Pas hermétique, mais c'est plus ritualisé, ça porte au silence, mm-hmm. puis au recueillement, disons, ça peut ressembler à ça un petit peu. Mais c'est très réussi aussi, puis il y a beaucoup de travail, c'est très beau comme pièce de Clément Côté, L'Arbre d'eau. Donc, je vous invite à aller voir, évidemment, au Centre Raymond Lanier, cette exposition, que je ne sais pas si c'est jusqu'à quand, mais habituellement, c'est à peu près un mois, là. Puis sinon, si vous voulez faire ma connaissance en même temps, je sais pas s'il y en a des curieux, là. Quoi que vous ne pourriez pas savoir à quoi je ressemble. Mais... ben, on pourrait lire le Zone Campus. Il y a étrangement ta face. Mettre une étiquette. Bonjour, mon nom est. Oui, c'est ça aussi. Mais sans venir me rencontrer, là, c'est parce que je commence, plus je cours les vernissages, plus je fais partie du gratin, fait que ça peut toujours être agréable de parler avec une gratinée. Mais il y a mercredi le 28 octobre au Café Frida, qui est un nouveau... Nouveau, moins nouveau, là, parce que ça fait quand même quelques mois, je pense, mais un nouveau café... Tout le monde en parle quand même comme si c'était nouveau, ouais. Il vient de le découvrir. Ouais, c'est ça. On est dans la découverte du Café Frida, qui est, en fait, qui est la plus belle terrasse qu'il y a en ville. Je pense qu'il est vraiment... Avant, c'était le Dalton, là, qui était vraiment face au fleuve. Donc, c'est un petit café qui se veut très rustique, encore une fois, très étudiant. Tu sais, il y a des jeux de société, des tables en bois, des chaises de cafétéria, là. Mm-hmm. Ils servent des toasts, chaudes, froides, sucrées, salées, là. Tu sais, c'est comme à la bonne franquette, finalement. Ce qui est, encore une fois, pas négatif nécessairement. Non, du tout. Donc, ils vont offrir des spectacles, j'imagine. Je sais pas trop, là. Mon but, c'est pas des ventes, là, mais... puis aussi des expositions. Donc, le premier vernissage va avoir lieu mercredi, le 28 octobre. Ben plutôt le mercredi 28 octobre. Donc, au Café Frida. Moi, j'y serai, puis peut-être d'autres personnes. Et évidemment, l'artiste, c'est Mathilde 5 mars ou 5 mars. Mathilde, là, ouais, c'est ça, ça dépend. Qui est plus du côté de l'illustration. Mais en je tout pense cas, que c'est 5 mars. Ben, je sais pas trop. Oui. Mais dans Camping Sauvage, je pense qu'il disait 5 mars. Ouais. En tout cas, hey, bon. Puis sinon, il y a jeudi, le 5 novembre, à la Galerie Artois, c'est Steve de Bruin, qui va exposer aussi. Donc, il y aura vernissage aussi jeudi, le 5 novembre. Donc, quand on va se revoir dans deux semaines, là, on va avoir plein de choses à dire. On va en avoir plein. Oui. On a tellement hâte. Oui. Et j'ai débordé un peu. Hein? Ah, pas de trouble. Faites-en pas ici. Yeah. On est lundi, il n'y a rien après. C'est ça. Ah, parfait. Yeah. Donc, ben, ça n'a pas été si pire, finalement. Je me suis débloqué. Une fois que c'est commencé, hein. Ben ouais. C'est comme l'émission complète, une fois que c'est commencé, hein. Il n'y a pas de trouble avec ça. Parfait. Tout finit bien. Yay. Toujours. Marie-Christine Perrin, on te retrouve lundi dans deux semaines à 9h pour notre chronique Gratin et vin gratuit. Continue de te gratiner, de te faire gratiner la... Oui, j'adore. La Queen. Plus on y va, plus on en redemande. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 6h30 à 9h30 et le dîner de con de 11h à 13h. Pour plus d'informations sur notre programmation, visitez le cfou.ca. Replongeons dans le dîner de con un certain midi cette semaine. Ici, sans le savoir, il vendait des tableaux rares pour une bouchée de pain. C'est un article que j'ai lancé, je pense, la semaine passée, puis j'ai jamais développé, finalement. Donc, cet homme, il ne savait pas qu'il était assis sur une mine d'or. Il s'appelle Jeremiah Kaylord. Il a été récemment arrêté à San Francisco après avoir volé des œuvres d'art qu'il a revendues pour quelques clopinettes. Donc, cet Américain de 39 ans squattait depuis 2 mois une prestigieuse maison, laissée vacante en attendant sa vente. Il subvenait, oui, à ses besoins en troquant les tableaux qu'il a décorés contre 3 francs 6 sous, donc contre rien. Les 11 croûtes ou les 11 tableaux valaient au total près de 270 000 euros. L'affaire a été révélée par hasard lors d'un banal contrôle de police. Lorsque les agents ont sonné à la porte, Jeremiah Kaylor leur a ouvert en indiquant qu'il était sur le point d'acheter la maison. Version démentie dès le lendemain après un appel téléphonique au vrai propriétaire, bien sûr. Le squatteur a donc été mis en cellule et les œuvres ont été quasi toutes retrouvées. La plupart dans des petites boutiques de la ville. 2 manquent encore à l'appel, probablement acquises par des collectionneurs persuadés d'avoir fait une très bonne affaire. Mais effectivement, il avait fait une très bonne affaire. De là à savoir s'ils vont pouvoir la garder, c'est une autre histoire. Un chien qui est sauvé, une nouvelle qui nous vient de Trois-Rivières. Ben oui, un chien qui souffrait de malnutrition au point de ne peser que la moitié de son poids normal a été récupéré par la SPCA de Shawinigan le 2 octobre dernier. Eh bien, on apprend qu'il est maintenant hors danger. Hein? On est content pour Bone. Ben oui, il a été rebaptisé parce qu'on ne savait pas son vrai nom. Hein? il n'avait que la peau et les os quand la SPCA ou la SPA l'a pris sous son aile. Le chien de race Boxer a pris 5,5 livres en 25 jours, ce qui représente plus de 15 % de son poids initial qui était de 37 livres. Le Boxer obéit au doigt et à l'œil de la coordonnatrice de la SPA de Shawinigan, Catherine Côté, avec qui il passe une bonne partie de ses journées dans le contexte de l'exécrable état de malnutrition dans lequel il a été amené à la SPA. Eh bien, Mme Côté estime qu'il réagit étonnamment bien. Je crois qu'il a eu de très bons contacts positifs avec les humains dans le passé. Bond devra prendre 25 à 30 livres pour atteindre son 70 livres qui devrait être son poids idéal avant d'être prêt pour l'adoption, ce qui pourrait prendre de 2 à 3 mois. Rien de moins qu'une lettre de motivation sera demandée aux familles qui voudront l'adopter et c'est la SPA qui choisira son futur foyer. Mais j'ai entendu dire qu'il y avait déjà une liste d'attente pour avoir Bone. En attendant de se faire une santé, eh bien, Bone traîne dans les bureaux administratifs de la SPA Mauricie, au grand plaisir des employés. La vétérinaire Anne Marsan a dit d'ailleurs à la blague que c'est elle qui l'adoptera, ce chien. Le chien le lui rend bien avec une grosse lichette sur la joue. Ah, oh, ça, c'est du human, hein? Une enquête a été ouverte sur ce dossier qui pourrait être de la maltraitance, mais la SPA n'a pas dévoilé de détails. Ben oui, tant mieux pour Bone. Je vous présente ici les trois femmes les plus riches de la planète. Ben oui, les femmes sont plus nombreuses que jamais à figurer dans le classement de Forbes, hein, des milliardaires du monde. Sur un total de 1826 milliardaires, seulement 197 sont des femmes contre 172 l'an dernier. C'est quand même une belle évolution. Et malgré ce gain, elles ne représentent que 11 % du classement des gens les plus riches sur notre petite planète. Donc, je vous envoie ici ces madames qui méritent d'être connues. Hein? Si vous avez le goût de vous choisir une cougar, là, ben là, je vous donne les noms. Checkez ça, allez voir un petit tour sur Facebook. Juste avoir son nom, elle, on sait qu'est-ce qu'elle a. Hein? Elle s'appelle Christy Walton. Qu'est-ce que ça vous fait penser, Walton? Elle a 41,7 milliards de dollars. Moi, juste avant de voir ça, ben, je vois que c'est Walmart. Hein? C'est Christy Walton, qui est la veuve du milliardaire John T. Walton, héritier du fondateur de Walmart. Il est décédé le lundi 27 juin 2005 à la suite d'un accident d'avion dans l'État du Wyoming. Après la mort de son mari, elle est devenue la 17e personne la plus riche de notre monde en 2006 et en 2010, la femme la plus riche du monde. En deuxième position, eh bien, on s'en va plutôt en France ici, hein. C'est Liliane Bettencourt. Liliane Bettencourt, première actionnaire du groupe L'Oréal et veuve de l'ancien ministre André Bettencourt. Cette dame est la deuxième femme la plus riche du monde, le même rang qu'elle occupait il y a un an. Elle est née le 21 octobre 1922. Elle est aujourd'hui âgée de 93 ans. Donc, si vous voulez, la plus cougar des cougars, c'est elle. En 2015, d'après Forbes, elle est la première fortune française et la 10e personne la plus riche sur notre petite planète. Et là, je vois déjà une autre dame et son nom, vous allez voir encore, hein, ça inaugure bien pour elle, Alice Walton. Ça doit être la sœur de l'autre, hein, ou en tout cas la fille, ou ça doit pas être loin. Elle, avec une petite fortune de 39,4 milliards. Alice Walton est l'unique fille de Sam Walton, qui était le fondateur de Walmart. Elle a ainsi hérité avec ses frères John, Jim, Samuel, Robson, Walton, qui gère la multinationale d'une fortune aujourd'hui estimée à 90,7 milliards. Selon Forbes, elle est devenue la deuxième femme la plus riche du monde en 2010, derrière sa belle-sœur, Christy Walton, en novembre 2011. Ça doit être frustrant, par exemple, parce que la Christy en haut, là, eh bien, elle a hérité de son mari. Christy Walton, à la base, c'est pas une Walton. C'est une, je sais pas quoi, je sais pas son nom, mais elle est devenue une Walton en étant mariée à John T. Walton. Tandis que l'autre, là, Alice Walton, c'est une vraie Walton. Moi, je serais frustré là, d'avoir au moins un milliard de moins que la vraie, que la fausse Walton. En tout cas, Vous comprenez ce que je veux dire. Elle a aussi hérité donc de ses frères. Selon Forbes, elle est devenue... en novembre 2011, elle a investi $1 milliard pour la construction du Crystal Bridge Museum, un musée d'art américain dans la petite ville de Bentonville, dans l'Arkansas. Mais guess, si elle n'avait pas investi son milliard, là, elle aurait peut-être plus d'argent que la belle-sœur. Mais en tout cas, comme je l'ai dit tantôt, c'est les cougars à rencontrer, je vous le dis. Ici, un homme est atteint d'un mystérieux virus mangeur de chair. Les images sont dégueulasses. C'est horrible. Donc, la vidéo est plus que percutante. Elle montre justement la réalité d'un mystérieux virus mangeur de chair. Dans la vidéo, Yun Van Dat, dans la ville de Ho Chi Minh, au Vietnam, est assis calmement sur un banc pendant qu'un docteur examine l'immense plaie plus qu'à vif sur le côté de sa tête. Là, si vous allez voir la vidéo, j'aime mieux vous dire que ça convienne pas à tous, ces images-là. Donc, le visage de Dat a commencé à se faire dévorer lorsqu'un mystérieux virus mangeur de chair s'est mis à attaquer son corps il y a environ 11 ans. Il est aujourd'hui âgé de 51 ans. La date d'enregistrement de la vidéo n'est pas connue, mais il est cru qu'elle a été tournée il y a quelques années puisque la condition de l'homme s'est beaucoup détériorée. La plus récente vidéo de Dat est très explicite. Allez pas voir ça, je vous le dis, ça ne peut vraiment pas convenir à personne ou à presque. Sérieux, c'est, on dirait un mauvais trucage de film de série B. Sa femme, Yutin Tru, a affirmé que même s'il ne peut plus parler, il est encore conscient et bien au courant de son horrible sort duquel il souffre depuis que les premiers symptômes se sont manifestés il y a justement 11 ans. Trieux a aussi 51 ans et elle a dit que tout a commencé en 2004 lorsque Dat s'est mis à saigner du nez 3 à 4 fois par jour. Il est alors allé à l'hôpital de Oahoa à Saigon pour se faire examiner, où il a été diagnostiqué d'une déviation de la cloison nasale. Après un an, Dat a découvert que lorsqu'il buvait de l'eau, elle s'écoulait dans son nez à travers un trou dans son palais. Plusieurs mois plus tard, le trou a continué à grossir et les chirurgies additionnelles qu'il a subies ont échoué et à remédier à la situation. Même s'il a été informé qu'une autre chirurgie pourrait régler le problème, Dat ne pouvait plus payer les traitements médicaux requis, alors il est retourné à la maison pour tenter de se soigner avec la médecine traditionnelle à base d'herbes. Ouf! Aujourd'hui aveugle, Dat passe ses journées sur son... Ben, c'est sûr aveugle, il n'y a plus de face, sérieux. C'est hallucinant, là. Après que son histoire a été publiée par les journaux locaux, il y a environ un mois, des docteurs ont accepté de le prendre en dossier, de prendre son dossier en main dans une tentative d'apaiser au moins sa douleur ainsi que sa souffrance. Cependant, les nouveaux traitements pour Dat n'ont pas été révélés et sa condition actuelle est encore inconnue. Sérieux, si vous voulez voir une histoire atroce, là, puis vous comparer, quand on se compare, on se console, là, allez voir l'histoire de Dat, c'est terrible. Ici, 5 lieux à vous glacer le sang dans la ville de Québec. La ville de Québec est un lieu historique, riche en histoire, parfois lugubre à l'approche de l'Halloween, surtout quand on écoute leur radio, hein. C'est des histoires lugubres et ridicules. Le journal s'est penché sur l'histoire de 5 endroits de la vieille capitale, au passé plutôt macabre, qui vous donneront froid dans le dos. Première maison hantée dans la région de Québec, eh bien, c'est la maison hantée de Beauport. En 1989, c'est un édifice de 4 logements situé sur la rue Monseigneur Gautier à Beauport qui a été le théâtre d'un phénomène qui demeure encore aujourd'hui inexpliqué. À l'époque, les locataires affirmaient que les murs du bâtiment bougeaient, des trous impressionnants se formaient tout seuls sous la force d'un mystérieux impact. La police de Beauport avait confirmé l'information et le lieutenant Guy Bédard avait lui-même constaté les faits. Les étranges événements se sont même produits en direct lors d'un tournage d'un reportage d'une télé américaine. On dirait que ça ressemble à ça. Et puis, j'ai regardé la petite vidéo, dois-je dire. Et puis, effectivement, c'est très étrange. On aurait le goût de dire, ouais, mais c'est des gens de l'autre côté du mur qui tapent. Mais là, c'est des trucs, des rapports officiels, des rapports officiels de police, etc. Et on n'a jamais trouvé le pourquoi du comment dans tout ça. Certains racontent à l'époque qu'un homme serait décédé au premier étage de l'édifice un mois avant le début des troublants événements et que sa veuve procédait à des cérémonies de spiritisme. Là, il y a plein d'articles de journaux. Si vous voulez avoir plus de détails, vraiment, via la page Facebook du Dîner de cons, il y a du détail pour vous en mettre plein la face. À la demande des autorités municipales, le propriétaire du bâtiment, Mme Jeanne Sansfaçon, a incité ses locataires à déménager leurs biens et à quitter les lieux. Le phénomène aurait cessé après l'évacuation des locataires. Dans le reportage, on nous dit qu'il s'agirait sûrement, d'après leur hypothèse, d'un poltergeist. Alors, puis ça avait un rapport aussi avec une petite fille. Puis quand la petite fille était là, c'est les phénomènes étaient plus intenses. En tout cas, allez voir ça. La vidéo est vraiment particulière. Et puis, il y a beaucoup de détails, comme j'ai dit, en découpure de journaux. Deuxième endroit de la ville de Québec qui pourrait vous glacer le sang, eh bien, c'est la cathédrale de la Sainte Trinité, qui est abritée par son fantôme de l'église de la Sainte Trinité. Cette cathédrale est située dans la rue des Jardins, qui est bien connue des adeptes de phénomènes paranormaux. On y entendrait l'orgue jouer tout seul et il serait possible d'apercevoir le fantôme d'une femme qui serait celui d'une religieuse nommée Iris Dilas, qui aurait été enterrée vivante en 1830. En 1987, la reine Élisabeth II aurait elle-même indiqué avoir vu l'apparition du spectre d'une femme près de l'orgue sur la balustrade. Imaginez, si c'est Élisabeth qui le dit, on ne peut pas douter. L'équipe de Québec Paranormal a enquêté sur cette église du Vieux-Québec en 2013. Et encore là, on a une vidéo très, très intéressante pour soutenir le propos. Autre endroit à faire glacer le sang à Québec, eh bien, ça, c'est un endroit que j'ai découvert il y a à peu près 3 ans. Et c'est magnifique. C'est un endroit qui est vraiment, je vous dirais, presque tenu secret à Québec. C'est le Marine Center. Le Marine Center, c'est un lieu lourd en histoire. Autrefois, l'édifice était une prison commune où plusieurs personnes ont été condamnées à la peine capitale. Des pendaisons publiques ont eu lieu devant la porte principale. D'autres ont eu lieu sur un balcon qui a été expressément bâti à cet usage. En tout, 16 hommes ont été pendus, dont François Marois, mieux connu sous le nom du docteur L'Indienne, qui était un charlatan et un présumé meurtrier en série. Au moment de son exécution, il aurait avoué avoir commis des crimes beaucoup plus graves que celui pour lequel il allait être pendu, soit pour le meurtre du colporteur François-Xavier Guillemet. En effet, 30 ans plus tard, une dizaine de squelettes auraient été trouvés dans le sous-sol de sa résidence située au pied de la côte Bégin, à Lévis. Docteur L'Indienne n'en était pas à ses premiers démêlés avec la justice. Il a été aussi reconnu coupable d'avoir attaqué et sodomisé un homme à Lévis, ce qui lui a valu 12 mois de prison. Il était toutefois parvenu à s'évader. Ça, c'est vraiment hallucinant. Et puis, en bas de cet article-là, on a un lien qui nous invite à consulter les archives entourant son procès. Le docteur L'Indienne aurait été disséqué après avoir été pendu. Hein? Tout ça pour la science. Autre lieu à glacer le sang à Québec, eh bien, c'est l'Institut Robert Giffard, maintenant nommé l'Institut universitaire en santé mentale de Québec. Cet hôpital psychiatrique a porté plusieurs noms, dont l'asile de Beauport, puis l'asile de Québec, le Lunatic Asylum, l'asile des aliénés de Québec et l'asile Saint-Michel-Archange. En janvier 1875, l'établissement a été la proie d'un violent incendie qui a fait 26 victimes, toutes des femmes. Une aile de l'Institut située au sous-sol, fermée au public, serait hantée. Certains racontent qu'elle abriterait toujours des équipements pour pratiquer la lobotomie, une opération chirurgicale consistant à sectionner une partie du cerveau. Cette pratique est maintenant interdite. C'est faux. C'est faux. J'ai lu un article genre l'année passée sur la lobotomie. C'est juste qu'elle n'est plus pratiquée de façon aussi sauvage et aussi intense qu'elle l'était à l'époque. Mais dans certains problèmes, eh bien, on n'a pas le choix pour enlever même des pressions au cerveau. On va sectionner une petite partie. Mais bon, ça, c'est un autre dossier. Et finalement, on en a parlé cette semaine, un lieu à glacer le sang et aussi à prendre une bonne nuit de sommeil. Le château Frontenac, c'est une histoire bien connue. L'emblème de la ville de Québec sera hanté par le comte de Frontenac, Louis de Buade, qui serait à la recherche de sa fiancée absente au moment de sa mort en 1698. Elle aussi entrait les lieux. Plusieurs l'auraient aperçue, d'ailleurs, errant dans les corridors habillée d'une chemise de nuit blanche. Elle aurait été vue aussi à l'intérieur de chambres. Certains disent avoir vu le comte flotter dans la salle de bal, vêtu d'habits d'époque. Le lieu est historique et c'est un endroit prisé par les amateurs de phénomènes paranormaux et aussi de bonne cuisine, hein, parce qu'il y a une très bonne table aussi au château Frontenac. Et puis, encore là, on a une vidéo publiée sur YouTube où on peut observer le scintillement étrange d'une lumière. Canular ou pas, je ne sais pas. Allez voir ça. J'aime mieux les vidéos des autres. Ça, c'est plus sérieux dans le non-sérieux, hein, faut se le dire. Sur ce, eh bien, je vois l'heure qui avance. On va aller en musique immédiatement avec la formation Fontarabie, le projet de notre ami Julien Minot. qui nous offrait, on avait eu l'album complet, l'album éponyme du projet Fontarabie. Eh bien, là, il nous a sorti quelques mois plus tard, eh bien, l'album Eclipse. Et puis, je me l'ai procuré hier ou avant-hier. Alors, j'ai le goût de vous en faire part d'une petite pièce, la première pièce de cet album, qui s'appelle « Vent blanc » de Fontarabie. Et si vous connaissez Fontarabie, c'est très, très calme, très cinématographique et surtout très bon. Fontarabie, projet de Julien Minot de Malajube, hein? Et puis on reconnaît très bien les petites mélodies et puis les petits les petites progressions d'accords, hein? qui nous fait rappeler à Malajube, mais dans un contexte beaucoup plus calme, beaucoup plus ambiant, devrais-je dire. On est toujours dans le dîner de cons, hein. Si vous venez de vous joindre à nous, ben je vous félicite, je vous dis bonjour. Cette semaine et puis la semaine passée, on était dans le grand tournoi des films d'horreur. Et bien, on est rendu en demi-finale. Si je vous donne les résultats, hein, parce qu'on a dépoussiéré les pourcentages. Eh bien, les survivants de ces films qui ont été retrouvés parmi les décombres de ce massacre cinématographique donnent à peu près ça. L'auberge ou les griffes de la nuit, eh bien, griffes de la nuit qui étaient... c'est quoi? C'est pas... Chose... Colin. En tout cas, j'ai pas son nom. C'est juste parce que je cherche, là, mais on sait très bien qui, là. Donc, Les Griffes de la Nuit à 52%. Décadence ou Amityville, La Maison du Diable. Eh bien, moi, j'ai préféré Amityville. Oui. Halloween ou Massacre à la tronçonneuse. Ben, moi, j'avais aimé mieux Massacre à la tronçonneuse. J'aime mieux Massacre à la tronçonneuse ou c'est Halloween. Halloween qui a gagné. L'Exorciste ou Le Silence des Agneaux. Ben, là, c'était L'Exorciste, bien sûr. Et pourtant, qui est un très bon film. Le Silence des Agneaux, quand même. Ce qui nous mène en demi-finale du tournoi. La demi-finale, eh bien, ça va être Les Griffes de la Nuit contre L'Exorciste et Halloween contre Amityville. Alors là, je vais voter direct live avec vous. Ben, moi, je pense que je vais choisir le classique, même si les Griffes de la Nuit, ben, c'est comme un classique aussi, mais L'Exorciste, c'est le classique des classiques. On va y aller avec ça. Et il remporte quand même 66% contre 33. Et si on y va contre Halloween ou Amityville, La Maison du Diable, personnellement, les deux films m'ont créé une frousse totale quand j'étais jeune. C'est vraiment un choix très difficile, vous, entre Halloween ou Amityville, La Maison du Diable. Je pense que je vais y aller avec Amityville, parce que Halloween m'a déçu, pas par le 1 ni le 2, mais à un moment donné, je me rappelle plus le 3, 4, je me rappelle plus lequel. J'ai été un peu déçu. Amityville, oui, il y a eu des versions décevantes, mais à la base, le petit cri de les petits yeux brillants dans la nuit. Et je trouve que c'était plus, comment je pourrais dire, plausible Amityville, et pour ça que je trouve ça plus épeurant. Alors, si on vote... Eh bien, on a Halloween en ce moment qui est à 57% et Amityville à 42%. Mais bon, c'est encore en cours ce vote. Si ça vous tente de participer, rendez-vous sur la page du Journal de Montréal, le grand tournoi des films d'horreur demi-finale. Sinon, ici, très, très, très drôle, vraiment, les Russes qui veulent envoyer des singes sur Mars d'ici 2 ans. Et là, j'entends déjà le tollé, les associations de la défense des animaux, etc. Tout le monde va se mettre à chialer. Et puis, ben, c'est ça que je dis qui est drôle. C'est pas que les Russes envoient des singes puis qu'ils aillent les tuer dans l'espace. Mais moi, c'est tout le tollé que ça va faire autour de ça. Donc, les Russes poursuivent leur conquête de l'espace alors que des scientifiques entraînent 4 macaques pour un long voyage vers la planète Mars en 2017. C'est l'équipe d'experts de l'Académie des sciences de Russie menée par la docteure Isena Koslovskaya, qui entraîne des primates à utiliser une manette, mais aussi à résoudre des casse-têtes ainsi que des tâches mathématiques. Donc, à la fin de l'entraînement, les macaques devraient être en mesure de compléter une routine quotidienne par eux-mêmes. La docteure Koslovskaya affirme que l'objectif est d'apprendre aux singes toute une gamme de tâches particulières dont ils seront en mesure de se souvenir. L'équipe espère ensuite que ces singes seront capables d'entraîner d'autres primates à les intégrer à l'équipe. Les macaques ont une espérance de vie de 25 ans, ce qui donne le temps aux scientifiques de les former et de les envoyer dans l'espace pour un voyage de 6 mois. Depuis les débuts de la conquête de l'espace, de nombreux primates ont été envoyés en mission spatiale. Le premier a été Albert 1, envoyé par les Américains à bord d'une fusée en 1948, et il est toutefois mort par suffocation durant le vol. La Russie planifie aussi son premier vol habité vers la Lune en 2029. En 2029, il y aura alors un vol habité vers la Lune et un alunissage sur celle-ci, c'est ce qu'a déclaré Vladimir Slonsev, directeur de l'entreprise publique russe Energia, qui conçoit et développe des véhicules spatiaux. Ce dernier a été cité par l'agence de presse russe RIA Novosti à l'occasion d'une conférence sur les technologies spatiales à Moscou. Selon Vladimir Slonsev, eh bien, la Russie démarrera dès 2021 des essais d'un vaisseau spatial spécialement conçu pour aller sur la Lune. Celui-ci effectuera à partir de 2023 des vols vers la Station spatiale internationale avant d'être envoyé vide sur la Lune en 2025. L'Agence spatiale européenne, l'ESA, a plaidé il y a une semaine en faveur d'un village lunaire international qui pourrait être édifié peu à peu grâce à des robots et a annoncé, oui, collaborer à la mission russe Luna 27 prévue à l'horizon de 2020. Celle-ci prévoit l'envoi d'un alunisseur qui explorait les régions polaires de la Lune dans laquelle ont été trouvés des dépôts de glace. Plus de 50 ans après le vol de Yuri Gagarin, premier homme dans l'espace, envoyer un homme sur la Lune reste une grande ambition de la Russie qui avait vécu comme un affront le fait d'être devancé par les Américains dans cette conquête de l'espace en 1969. Donc, une histoire à suivre. Mais par contre, si ces singes reviennent, peut-être qu'ils vont avoir muté, puis c'est eux qui vont débuter la planète des singes. Hein? Hein? Le complot, il est là. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou.

Ouais, peut-être. Parce que moi, personnellement, vu qu'il y aurait juste ça comme conduite, ce serait ça qui prémunirait. Ouais. Je serais peut-être plus porté à aller. Tu sais, dans 20 ans, mettons, là, le jour que. Mettons, là, utopie, là, dans 20 ans, c'est rendu obligatoire. T'as plus le droit de conduire sa route. Ouais. C'est ton auto qui te conduit tout seul. Moi, je veux dire, je serais pas tellement porté à faire de la course automobile, mais peut-être que je me paierais des tours de circuit une fois de temps en temps. Ouais, c'est ça. Parce que, peut-être que ça m'amènerait plus. C'est comme le vinyle, tu sais. Ça revient à mode, tu sais. Fait que là, sûrement, t'aurais genre des voitures vintage illégales. Mais il y en a, ça existe déjà. Il existe des courses de voitures électriques, surtout en Europe. Ça se voit beaucoup. Mais, tu sais, déjà là, ça se discute. Ouais. Bon. C'est un autre débat. C'est un sujet un petit peu plus léger que d'habitude. Ouais. Ben, je me suis dit, on a tellement parlé de politique électorale puis tout depuis un bout de temps, depuis le début de la session, en fait, que c'est bien parler de chars aussi. C'était bon, j'aime ça, on varie un petit peu les sujets. On clique toujours dans Zone Campus. Oui. Aux deux semaines, il y a un nouveau numéro la semaine prochaine qui sort. Est-ce que tu as une idée sur ce qui s'en vient? Spoiler? Non, il n'y a pas de spoiler. Pas de spoiler. Maudit. Parce que c'est pas encore. C'est sûr que c'est ça. On te retrouve la semaine prochaine. Je n'osais pas le dire. C'est à 8h mercredi prochain. Sébastien Bigartin, merci beaucoup. Merci à vous. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 6h30 à 9h30 et le dîner de con de 11h à 13h. Pour plus d'informations sur notre programmation, visitez le cfou.ca. Replongeons dans le dîner de con un certain midi cette semaine. Et on s'envoie ici une citation des plus savoureuses qui a été dictée par un génie, hein? Un génie du mal ou un génie de la connerie. À vous de savoir. Je vous donne un indice. Il a les cheveux jaune-orange, un peu peigné tout croche, de gros sourcils. Il a la face rouge. Eh bien oui, c'est Donald Trump. Eh bien, pour Donald Trump, les femmes aiment la burqa, car ça leur évite de se maquiller. Hein, ça, c'est comment se mettre le pied dans la bouche. Mais lui, il a le tour. Je pense que c'est sa spécialité. Donc, pour ceux et celles qui ne le connaissent pas, eh bien, Donald Trump a 69 ans. Il est candidat à l'investiture républicaine en vue d'être élu président des États-Unis en novembre 2016. Cet homme d'affaires milliardaire qui a fait fortune dans la construction de gigantesques tours d'habitation et de bureaux un peu partout aux États-Unis n'en est pas à sa première provocation. Régulièrement critiqué pour ses prises de position raciales ou radicales, hein, il propose entre autres la construction d'un mur géant facturé aux Mexicains pour les empêcher de franchir la frontière qui relie le Mexique aux États-Unis. Hein? Ben ouais, un beau projet. Le mur de Berlin, là, ça va être le mur des Mexicains. Donald Trump entretient son côté misogyne, n'hésitant pas à traiter les candidates de Miss Univers, hein, qui est un concours qui lui appartient. La franchise Miss Univers, ça appartient à M. Trump. Hein? Il n'hésite pas à traiter les candidates de Miss Univers de grosses truies, de chiennes ou encore de fainéantes. De fainéantes, ah wow! Donc, sa dernière sortie contre la gente féminine a eu lieu ce lundi 26 octobre en meeting à Atkinson dans le New Hampshire. Il a déclaré que la burqa était bien utile pour ceux qui la portent puisqu'elle s'évite ainsi l'étape du maquillage chaque matin. Mais c'est un génie! Vraiment ridicule. Cette phrase faisait partie d'un discours portant sur la politique étrangère où le candidat expliquait que s'il était élu, il ne mobiliserait pas les troupes américaines pour venir en aide aux femmes qui sont forcées de porter cette tenue religieuse. Poursuivant devant un public acquis à sa cause, le milliardaire a dit que les femmes n'avaient qu'à... Le milliardaire a dit que les femmes n'avaient qu'à pas se mettre de maquillage et que si lui, il était une femme, il ne manquerait pas de porter une burqa. On voit tout de suite que c'est de quelqu'un de très réfléchi, pourtant milliardaire, hein, c'est ça. On change complètement de sujet, il y a un bar de Varennes qui flambe après une tentative échouée. Un incendie criminel a éclaté tôt mercredi au resto-bar Bugsy, situé à Varennes en Montérégie, moins de 3 jours après qu'un incendiaire eut tenté de le faire flamber. Au Québec, en ce moment, il y a des pyromanes de façon assez sévère, hein. En Mauricie, on en entend parler sans arrêt. Donc, cette fois-ci, c'est à Varennes, vers 4 heures du matin, un incendie a pris naissance dans l'établissement de la route Marie-Victorin. Un individu, comme dirait M. Poirier, a fracassé la porte avant de l'établissement et a répandu de l'accélérant avant d'y mettre le feu. Les flammes ont toutefois fait des dégâts. Cette fois, il aura fallu près de 90 minutes pour aux pompiers pour complètement maîtriser l'incendie qui a fait des dommages, somme toute, limités. Lundi vers 4h15, un résident du secteur a entendu un bruit de vitres brisées et a contacté le service d'urgence. Arrivant sur les lieux, les policiers ont constaté que la façade du bar avait été fracassée et que de l'essence avait été répandue à l'intérieur. Toutefois, le malfaiteur n'a pas réussi à mettre le feu au commerce et à quitter les lieux. Il n'a pas été arrêté. Des enquêteurs et des techniciens de scène de crime seront envoyés sur place pour analyser la scène et récolter des indices qui permettraient de remonter à l'incendiaire. Eh ben oui! Ici, toujours en rapport avec l'Halloween, pourquoi pas? Eh bien, je vous parle d'un village hanté où il fait bon avoir peur. Je vous parle de Drummondville. Eh bien oui, après avoir battu un record d'achalandage samedi dernier, le village hanté, c'est le village québécois d'antan. Hein, on connaît ça, on est allé quand on était jeune. On devrait y retourner. En tout cas, moi, je devrais y retourner. J'avais bien apprécié ma visite. Surtout, à un endroit où il faisait du fromage en crotte artisanale. En tout cas, c'est un autre dossier. Donc, après avoir battu le record d'achalandage, le village hanté s'impose maintenant comme l'événement le plus couru de l'Halloween au Québec. Le gars à la tronçonneuse est toujours bien populaire, laisse tomber le directeur général du village hanté de Drummondville, M. Éric Véraud. Il parle également de la maison du barbier, de la maison des poupées et du cirque macabre, qui donne vraiment le froid dans le dos. C'est sans oublier le long sentier dans la forêt obscure qui mène à la ferme, un village plus que transformé. Il parle également de la maison du barbier, de la maison des poupées, du cirque macabre. C'est sans oublier le long sentier, OK, ça je l'ai dit. Donc, si le village hanté se distingue depuis 8 ans, c'est parce qu'il est unique. Et là, je cite M. Véraud, il dit « Nous autres, c'est tout un village qu'on a à offrir, pas seulement une maison hantée. De plus, une centaine de comédiens aussi épeurants les uns que les autres animent le site. Comme l'Halloween est également la fête des enfants, une grande zone familiale est aménagée spécifiquement pour cette clientèle. » D'après le DG, le conte de la vieille école s'inscrit tous les ans comme un incontournable. Popularité oblige, le village hanté doit composer avec des files d'attente. On est dans les ligues majeures. Des files, il y en a à la ronde, au glissade d'eau ou à Walt Disney. C'est comme ça quand c'est populaire. Toutefois, M. Véraud rappelle que l'attente est moins pire qu'elle en a l'air. Dans le pic de la soirée samedi dernier, le temps d'attente moyen était de seulement 23 minutes, ce qui est vraiment très, très correct. De l'animation et des trous de beignes cuisinés au village hanté sont offerts aux visiteurs pour les faire patienter. Ah ben ça, c'est cool. Dans mes plus beaux rêves, il dit, je n'aurais jamais pensé attirer autant de gens. Nous donne encore comme commentaire, monsieur le directeur général Éric Véraud. Alors, si vous cherchez quoi faire, je pense que c'est l'endroit à aller. On vient de nous le dire, c'est la place à se rendre au Québec durant la période de l'Halloween. Sinon, ben, je vous rappelle encore ici, à la vieille prison, organisée en collaboration avec la gang de Hérole, qui font de l'immersion, c'est eux les spécialistes, et aussi avec quelques gens, bien sûr, du musée, hein, pour donner l'accès à l'endroit. On vous présente les parcours de peur, et puis il s'est déjà ajouté quelques supplémentaires. Alors, si ça vous intéresse, c'est encore le temps de réserver pour le parcours de peur de la prison, justement ici, la vieille prison à Trois-Rivières. Belle nouvelle, bien déprimante encore, hein, qu'on l'apprend chaque année, chaque jour, tout le temps quelque chose. La moitié des lions d'Afrique est menacée de disparition d'ici 20 ans, en plus de tout le reste. Hein. Ils sont 20 000 aujourd'hui et pourraient n'être guère plus de 10 000 en 2035. Près de la moitié des lions qui peuplent encore le continent africain pourraient disparaître d'ici 20 ans. Selon une étude publiée par le magazine Proceedings of National Academy of Science, menée sur 20 ans auprès des 47 populations différentes de lions, l'étude tire la sonnette d'alarme car le nombre de lions décline partout, sauf dans une poignée de pays du sud du continent comme le Botswana, la Namibie, l'Afrique du Sud et le Zimbabwe. Quand même une bonne nouvelle que là, au moins, la population continue à grandir. Pour vrai, parce que c'est rare qu'on entend ça. Les chercheurs estiment qu'ils étaient 10 fois plus nombreux, environ 200 000 au milieu du 20e siècle. Aujourd'hui, le lion ne survit que sur 25 % de son aire de répartition historique, déplore le docteur Philippe Henschel, co-auteur du rapport et membre de l'ONG américaine de la protection des félins Panthera. Il y a beaucoup de détails qui s'envoient avec ça, mais j'ai d'autres choses à faire. J'ai d'autres chats à fouetter. du désherbant dans les tampons hygiéniques. Une étude montre la présence d'un herbicide cancérogène, hein, ici on le dit cancérogène, dans la plupart des tampons et serviettes hygiéniques qui sont vendus dans le commerce. Selon les scientifiques de l'Université de La Plata en Argentine, des traces de glyphosate, oui, ont été retrouvées dans 85% des produits d'hygiène féminine contenant du coton. À en croire un rapport de l'Institut international de recherche sur le cancer, le glyphosate est un désherbant total qui est considéré comme probablement cancérogène. Pour leur étude, les chercheurs se sont concentrés sur des produits disponibles dans la région de Buenos Aires et les tampons ne sont pas les seuls concernés. Du désherbant a été également trouvé dans du coton et dans des compresses de gaz. Tu sais, c'est des produits, ça, là, pour soigner les gens. Des compresses de gaz puis des cotons. On a ça dans les équipements médicaux, les équipements médicaux. C'est impensable pour moi de retrouver des produits pareils. Mais bon, nous ne pensions pas que des produits utilisés dans tous les hôpitaux et centres de santé du pays pour guérir les patients étaient contaminés par un produit cancérigène. Les autorités doivent réagir immédiatement à cette situation, a déclaré Vasquez Medardo Avila, co-auteur de l'étude. La présence de glyphosate serait due au fait que près de quasiment 100% du coton cultivé en Argentine est génétiquement modifié. Ah, qu'on est surpris. Dans une précédente étude, les chercheurs de l'Université de La Plata avaient mis au jour la présence de pesticides dans plus de 77% de fruits et de légumes. Près d'un échantillon sur trois contenait, entre autres, 3 et 5 produits agrochimiques. Et là, vous avez compris, là. OK, une belle étude qui avait été faite. On a 77% des fruits et des légumes. Donc, 3/4 de chance, 7 légumes sur 10 ou 7 fruits sur 10 qui contiennent des produits cancérigènes ou cancérogènes, appelez-les comme vous voulez, je m'en fous. Et puis après, on nous dit que manger de la charcuterie puis que manger de la viande rouge, ça va réduire notre espérance de vie puis qu'on va pogner des cancers colorectaux ou plein d'autres sortes de cancers. Qu'est-ce qu'on mange? La question du jour, c'est qu'est-ce qu'on mange? Parce qu'on ne peut pas manger des fruits et des légumes. Les fruits et des légumes sont contaminés par des pesticides et des désherbants qui sont littéralement des produits chimiques mortels. Hein? Si ça tue les plantes, si ça tue les insectes, je pense que nous, on est fait de la même affaire, hein? Pas mal. Ça tue les humains. C'est clair et net. Fait que là, moi, la grosse question, là, ben c'est qu'est-ce qu'on mange? Sérieux, je reste là puis j'attends. J'attends que quelqu'un me réponde. Venez sur la page Facebook du Dîner de con. J'ai hâte de savoir qu'est-ce qu'on a le droit de manger. OK? Parfait. Aïe. Je pense qu'on va aller faire comme lui ici, amasser des millions de dollars en ramassant des balles de golf dans l'eau. C'est un Américain qui plonge dans les étangs du golfe de Floride pour amasser des balles perdues, une idée qui lui aurait rapporté des millions de dollars. Glenn Berger explique dans un reportage à Catters TV avoir eu cette idée il y a une quinzaine d'années alors qu'il était un chômeur à temps partiel. Son but était alors simple, enfiler sa combinaison de plongée, son masque et son tuba et aller fouiller les plans d'eau des parcours de Floride pour dénicher des balles perdues par les joueurs. Un business qui a explosé littéralement depuis. Le plongeur-golfeur affirme récupérer entre 1,3 et 1,7 millions de balles chaque année. Une fois sa pêche miraculeuse accomplie, il les nettoie à l'aide de produits chimiques avant de les revendre aux responsables des parcours visités. Sachant que le prix d'une balle ressuscitée est au minimum d'un dollar, eh bien Glenn a, semble-t-il, amassé une petite fortune au fil des ans grâce au contrat qu'il a signé avec plusieurs dizaines de parcours en Floride. Mais cette activité, si lucrative et originale soit-elle, n'a rien d'une promenade de santé. Glenn Berger indique avoir trouvé de tout dans ses bassins floridiens. Des balles, bien sûr, mais aussi des chariots de golf, des carcasses d'oiseaux, des tondeuses à gazon, une chasse au trésor que l'Américain exécute avec les poissons et les tortues, mais également avec des serpents et des alligators. Les alligators, comme le dirait si bien Archer. Un véritable danger au quotidien sur lequel il n'aime pas s'attarder. Mais reste la question de savoir où chercher. Les golfs les moins réputés ont bien sûr l'avantage d'accueillir des joueurs moins expérimentés et donc plus enclins à envoyer un joli slice ou une belle gratte directement dans l'eau. Mais les parcours les plus prestigieux sont également attractifs car les joueurs y utilisent le plus souvent des balles de très grande qualité et donc qui valent plus cher. D'autant que le talent n'est pas forcément au rendez-vous hein, parce qu'on est dans un cours de golf de grande qualité et de luxe. Hein. Ainsi, le mythique parcours de TPC Sawgrass, qui accueille le Player Championship, oui, propose son fameux trou 17 baptisé The Island Green, un par 3 aquatique où chaque année pas moins de 100 000 balles sont perçues et perdues surtout par les golfeurs lancés à l'assaut du parcours. Et puis là, mais moi, je me rappelle, j'ai un ami, peut-être qui nous écoute, je le salue, eh bien, qui faisait ça quand il était jeune, mais pas nécessairement dans les marécages ou dans l'eau, mais partout dans le bois autour des parcours de golf. Et puis, il faisait vraiment, c'était sa job, il s'était fait sa job d'étudiant en ramassant des balles de golf. Alors, moi, j'y crois tellement à ce genre de truc. Puis, c'est tant mieux pour lui. Hein? Essayez de trouver la façon comme ça pour devenir millionnaire. Et puis, je vous encourage. Ici, un spectaculaire sauvetage d'un Français et de son chat en Alaska. Un marin français et son chat ont été secourus au large de l'Alaska alors que leur bateau était pris dans une énorme tempête. À cause des conditions climatiques, le voilier de 10 mètres de long, nommé la Chimère, avait perdu son gouvernail ainsi que ses gréements alors qu'il se trouvait à environ 400 000 nautiques au sud des îles Aléoutiennes. À bord, Manu Van de Kamp, Étienne, qui tentait de relier Dutch Harbor en Alaska à Vancouver, a alors lancé son appel de détresse. Intercepté par les gardes-côtes, son signal a été retransmis à tous les bateaux présents dans la zone. C'est alors que le Thor Viking est venu sauver le marin en détresse. Sur les images des gardes-côtes américains, on distingue le Français agrippé à sa proue, tentant de ne pas chavirer alors que son navire est pris au milieu des vagues de 20 mètres. Oui, toute une frousse. Le navigateur doit en outre protéger son chat abrité sous sa veste. À un moment, voyant le Thor Viking assez proche, il parvient à se lancer sur le pont, la tête première. Sur son profil Facebook, le jeune homme a pu rassurer ses proches et les informer qu'il arrivait à Seattle aux alentours du 28 octobre. Il a également pu constater l'émotion qu'a suscité son aventure chez les internautes et un élan de solidarité qu'elle a provoqué. De nombreuses personnes lui ont proposé de l'héberger aux États-Unis ou de lui donner de l'argent pour reconstruire son beau bateau, de même lui offrir une nouvelle embarcation. Les gens sont vraiment généreux, hein? Manu a également fait savoir que cette mésaventure n'allait pas le dissuader de repartir en mer. Une fois revenu en France avec son chat Pipalup, il a d'ores et déjà l'intention de repartir. Il veut remonter l'Amazon jusqu'à Manaus au Brésil et tourner autour de l'Antarctique, mais aussi se perdre dans les mers de Chine. C'est ce qu'il nous explique sur le site de West France. Vraiment très, très particulier. Et puis, effectivement, c'est tant mieux pour lui, toute cette vague de sympathie à son égard. Et puis, restons dans le domaine maritime. Je vous parle du Sea Explorer, qui est un yacht ou un yacht d'exploration brise-glace de luxe. Mais véritablement de luxe, c'est encore au projet d'élaboration. Le Sea Explorer n'est pas n'importe quel yacht. Cet immense bateau de plaisance brise-glace est conçu pour permettre à ses occupants d'effectuer des croisières dans les mers glacées. La firme néerlandaise Damen, à l'origine du projet, affirme que ce yacht, ou en tout cas, dernière génération, adapté aux conditions extrêmes et aux explorations maritimes dans le Grand Nord, est capable de briser jusqu'à 90 cm de glace. 90 cm de glace, c'est près d'un mètre, là, tout en atteignant la vitesse de 16 nœuds. Outre cette caractéristique singulière, oui, le Sea Explorer bénéficie de toutes les options habituelles liées au standing de ce type de bateau de luxe. Les croisiéristes pourront ainsi se défouler dans la salle de sport, se détendre dans la piscine ou le spa, profiter d'un centre de plongée et même atterrir en hélicoptère sur la plateforme prévue à cet effet. Capable de naviguer en totale autonomie pendant plus de 40 jours, le yacht brise-glace sera proposé en 3 versions, 65, 90 et 100 mètres. Sa capacité d'accueil sera bien entendu en fonction de sa taille. Au maximum de 30 passagers et 50 membres d'équipage pourront s'embarquer. Le Sea Explorer sera disponible d'ici 2017. Le plus petit des trois modèles devrait être proposé au tarif à la modique somme de 150 millions de dollars. Hein? Ben oui. Deux assistantes de maternelle filmées en train de frapper des enfants à voir en vidéo. Donc, les deux employés ont été licenciés sur le champ et une enquête de police a été ouverte. Ça s'est passé le 14 octobre dernier dans une crèche de Cleveland, aux États-Unis. Cette caméra de vidéosurveillance a filmé deux assistantes de maternelle en train de corriger violemment des enfants. Sur les images, on peut voir la première femme, âgée de 49 ans, faire tomber un petit garçon de 2 ans, le frapper avec un bâton en plastique, le fesser et le traîner avec force par le bras vers la table à l'anger. La vidéo montre également une seconde assistante de maternelle frapper une petite fille de 18 mois avec une batte de baseball en plastique. C'est brillant, hein? On donne nos enfants à ces personnes-là. On leur confie nos bébés. Ici, violée à deux reprises à quelques minutes d'intervalle. Une histoire atroce. Il semblerait que ses agresseurs aient profité de son état d'ivresse. Une femme de 38 ans a déposé plainte pour viol samedi au commissariat de police de Nantes. Donc, ce qui s'est passé aux alentours de 5 heures du matin, alors qu'elle sort d'une discothèque en état très alcoolisé, la femme est raccompagnée à l'arrêt du tram par un client prévenant qui a été rencontré pendant la soirée. Mais en chemin, rien ne se passe comme prévu. Abordée par un groupe de jeunes, elle est amenée à l'écart dans une ruelle située à proximité de l'établissement où elle a passé sa soirée. Celui qui la raccompagnait est quant à lui repoussé par le groupe alors qu'il tente de s'interposer. La trentenaire va être alors violée par un des membres du groupe, sans qu'elle ne puisse réagir, mais son calvaire ne s'arrête pas là. Quelques minutes plus tard, un autre homme ne faisant pas partie de cette bande-là, eh bien, la viole à son tour traumatisée. La victime a été hospitalisée. Peut comprendre, hein? Aujourd'hui, elle ne se souviendrait plus exactement de ce qui s'est passé, mais celui qui l'a raccompagnée au moment où elle a été agressée a donné des précisions aux forces de l'ordre. La brigade des mœurs et la sûreté départementale est chargée de l'enquête. Une histoire à suivre. Ici, des voleurs abandonnent un camion chargé de Playmobil. Comme j'ai dit tantôt, si ça avait été un camion chargé de Lego, je pense qu'ils ne l'auraient pas abandonné. Mardi, à Saint-Quentin-Falavier, dans l'Isère, deux camions de marchandises ont été volés. Eh bien oui, la cargaison de l'un des deux n'a toutefois pas intéressé les malfrats. Ah ben oui, avec Noël qui approche et les jouets par milliers promis par le Papa Noël, on a bien failli ne jamais être distribué ces petits cadeaux, en tout cas pas les Playmobil. Dans la nuit de mardi à mercredi, le parking de la société LDPI a été le théâtre du vol de deux camions de Saint-Quentin-Falavier dans l'Isère et l'un transportait 40 tonnes de jouets Playmobil. Les malfrats sont repartis avec les deux véhicules transportant des marchandises provenant d'un peu partout dans le monde. Mais mercredi, les gendarmes de la Verpillière ont retrouvé l'un des camions abandonnés à Saint-Priest. À l'intérieur, les forces de l'ordre ont découvert la cargaison intacte de 40 tonnes de petits personnages en plastique. Une enquête a été ouverte pour retrouver le deuxième véhicule qui, lui, transportait 19 tonnes de cuivre. Il était plus intéressé par le métal que le plastique. Et puis, tiens, on va terminer avec cette nouvelle qui nous parle de Robert Downey Jr. qui a fait une réponse à un petit garçon malade qui se fait intimider. Donc, Kate a décidé de se tourner vers Instagram pour expliquer la situation de son fils et de marquer finalement la vedette d'Iron Man, Robert Downey Jr., en espérant qu'il répondrait pour égayer la journée de son petit Daniel. Donc, j'explique ce que le papa a écrit. C'est Daniel aurait vraiment besoin de se faire remonter le moral en ce moment après qu'un enfant de l'école lui ait dit que tous les enfants atteints de fibrose kystique meurent. Le week-end dernier, Robert Downey Jr. A répondu à l'appel de la mère de façon humoristique avec une photo de lui dans un costume de tigre avec une invitation bien spéciale. Alors, il a écrit « Bonjour, ici c'est Monsieur Stark. Ceci est pour Daniel qui a passé une mauvaise journée récemment. Quand je suis triste, j'ai trouvé ce petit costume pour t'aider. PS, aimerais-tu venir à la première de Captain America Civil War à Los Angeles en tant que mon invité? Si oui, eh bien dis à tes gens d'appeler les Mens, tout pour le mieux. » La réponse extraordinaire de la vedette a bien fait des heureux dans la famille. À Daniel, on ne peut pas croire ce qui arrive ou imaginer une meilleure façon de remercier suffisamment tout le monde. C'est ce qu'a affirmé M. Cates dans cette nouvelle publication sur Instagram. Alors, ben tant mieux, M. Robert Downey Jr. Ça vous a pas coûté cher. Ça vous a fait du capital de sympathie en plus. Et puis, vous avez fait du bonheur à un jeune garçon. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 6h30 à 9h30 et le dîner de cons de 11h à 13h. Pour plus d'informations sur notre programmation, visitez le cestfou.ca. Tania Baudin. Oui. Et Mathieu Plante. Je suis désolée, j'essayais d'arranger Arrange-toi pour dire les affaires. Mais oui. Arrange-toi pour dire mon nom, c'est important dans l'émission. Mathieu Plante, voilà. Qu'est-ce qu'on ferait, sinon? Lavage de cerveau. Les boutons se pèseront pas tout seuls, là. Hein? Ben non. C'est ça. Bon, tiens, parle, appuyez sur nos boutons. Oui. Hein? Arc. Wesh. Je sais pas. C'est un peu dégueu. Moi, surtout si on parle de personnes décédées. Oui. Qui ont des boutons, en quelque part. Ew. Ça pourrait être vraiment dégueulasse. On parle de la mort. Avec Justine Renaud, voici Justine Pertine. Mmh. On fait le robot. On fait le robot avec de la musique comme ça, on n'a pas le choix. Ouais. Bon matin, il pleut. Bon matin. Patricia nous a... Patricia, c'est la femme de la météo, c'est ça? Mais non, c'est la fameuse tempête. Ah, Patricia! On en parle beaucoup à la météo. Ouais. Patricia! Patricia! Excuse-moi, je pensais que Patricia Powers du département de com était rendue aussi Miss Météo. Je sais pas, ça se peut. C'est la seule Patricia que je connais à part Patricia Parker. En tout cas, peu importe c'est qui l'ouragan, là, mais elle a une dent contre nous parce que... Hey, il fait pas beau. Fait pas beau. Non. Ouais. Est-ce qu'on regarde tous la fenêtre en même temps? C'est ce qu'on faisait, ouais. Comme à salut bonjour, on va voir le paysage de Trois-Rivières derrière nous. Petit soupir. Caméra 3. Hey, faites-vous des strouilles dans le temps de l'Halloween ou je suis la seule? Des strouilles, ça c'est le nouvel, c'est l'artiste Stromae. Stromae. Strouille. À l'Halloween, il s'appelle Strouille Mai. Comment? Non, faites-vous des strouilles... En temps habituel, j'en fais. Ouais. C'est la première année que j'en ai pas fait, mais mon frère en a fait à la tonne. Genre, notre maison est remplie. Mon frère est une citrouille. Ton frère est une citrouille. S'appelle Jack. C'est pas de frère. Jack, la citrouille. Tu n'as même pas de frère. Ah. C'est un gag. Hey, c'était pas dans Chair de poule, ça? Ah, je sais pas, ça me faisait peur, Chair de poule, moi. Ouais. Chair de poule, c'était bon, ça. La fameuse émission là, où, d'Halloween où que le gars, il devient son costume, il est pris dedans. Ah, je me rappelle pas. C'est vraiment trash. Ouais. Goosebumps, ça. Ouais. Mais en tout cas, en fin de semaine dernière, j'en ai fait de la citrouille, puis j'ai juste un conseil à vous dire. Faites-la en état de sobriété. OK. Pas d'ébriété, parce que j'ai pris ma lame de rasoir à l'envers et je me suis complètement ouvert jusque. À chaque fois que j'y touche, ça chatouille, là, comme quand tu te cognes le coude. Là. Oui. Fait que je pense que j'ai pogné un nerf, puis je m'en rends compte là. C'était pas le fun, mais elle a le bout du doigt blanc, mais elle s'en rend compte. J'ai le bout du doigt pas sur mon. Il est encore à Montréal. Elle s'est fait amputer le doigt, finalement. Elle nous montre dans une petite boîte. Tu sais, comme le gag que tu mets un doigt dans une boîte, puis là, la personne ouvre la boîte, puis là, c'est ton doigt. Là. Ah. Le c'est gag pas, de... Non, bien sûr. Non. Mais en tout cas, j'ai presque perdu un bout de doigt, et dans ce cas-là, mon bout de doigt aurait été mort, ce qui m'amène à mon sujet. C'est tellement une belle suite, hein, la mort. On va parler de la mort. Pourquoi la mort? Parce que ça fait à peu près un mois. Chantal la mort dans les Chantal fumales. La mort. C'est ça que tu vas nous parler. Ça fait un mois. Ça fait un mois que je discute de choses qui ont trait un petit peu à l'Halloween, là, les choses qui relèvent de la peur, des phobies. On a parlé du sang, on a parlé des sorcières, surtout les sorcières de Salem, puis qu'est-ce qui s'était passé autour de ça. Mais je pense que probablement la peur principale de la majorité des gens, c'est la mort. Ouais. Et dans le temps d'Halloween, on en traite énormément. Donc moi aussi, je vais en traiter juste pour vous casser les oreilles avec ça. Maudit con! Grand con! Bon, excusez. On va parler évidemment de la mort telle que tout organisme vivant de l'ordre des animaux subira éventuellement, hein, à part Walt Disney, lui, il sera jamais mort. Il va rester dans un congélateur, là, Maytag, à quelque part aux États-Unis. Avec des bordelets de poisson. Et on ne s'attardera pas, par exemple, à la mort des plantes, parce que c'est plate. Hey, la mort ma famille! La mort des cellules individuelles, quoique je pourrais en parler pendant des heures avec mon bac en biochimie, etc. Ni de la mort du chien de Gilles Duceppe dans sa quête de relancer sa carrière politique. On parlera pas de ces genres de morts-là. Son chien est mort, puis ses carottes sont cuites. Ah oui. Ouais. Alors, pour la comprendre, cette mort-là, faut d'abord savoir c'est quoi, et il faut en premier lieu apprécier le fait qu'il y en a plusieurs types de morts. Ben non, il n'y a pas juste un type de mort. Tu peux pas juste crever, putain, c'est simple de même. Ben non, pas vie. Ben non, avec la bureaucratie du monde alentour, il y a toutes sortes de morts, puis c'est vraiment un peu spécial. Fait qu'aujourd'hui, en fait, je vais traiter quasiment plus de trucs légaux. Je parle pas de légaux, là. Je m'en allais dire, est-ce que je le laisse pas conjuguer pour pas qu'on rie du mot légaux? Mais en tout cas, de choses Lego, légales. Ouais. On va parler de choses légales quasiment plus que de science. Mais à la fin, je vous réserve une espèce de petit bout de science, là, parce qu'il faut que j'explique le phénomène de la mort. Hein. On va expliquer un phénomène en particulier. OK. Donc, dans les types de morts, en premier, il y a la mort clinique, évidemment. Hein? Tu sais, quand quelqu'un te dit en revenant de l'hôpital, « Hey man, j'étais cliniquement mort pendant 10 secondes! Oui. » On connaît tout quelqu'un comme ça, « Hey man, je suis mort sur la civière, puis ils m'ont réanimé. » Ben, c'est exactement ça. La mort clinique est définie comme un arrêt de la circulation du sang dans le corps et un arrêt de la respiration. Les deux en même temps. Tu sais, faut pas être chanceux. Dans l'ancienne... t'as pas lu ton horoscope à matin, puis tant mieux, parce que sinon tu serais pas sorti de ton lit. Dans l'ancien temps, être cliniquement mort voulait dire être mort-mort. Hein? Ce que je veux dire, c'est qu'avant la ressuscitation cardio-respiratoire, les injections d'épinéphrine et la défibrillation... Ça n'existait pas. Donc, il n'y avait aucune chance que tu puisses revenir en vie d'une absence de circulation sanguine et de respiration. Mais aujourd'hui, c'est possible. Hein? On sait tout. Oui. Fait qu'on peut être cliniquement mort, mais être encore vivant le lendemain, tu sais. Hey, avoue que c'était poche dans le terrain. C'était pas complètement mort, là. t'étais juste cliniquement mort. Ouais, c'est t'aurais comme, pu, ouais, c'est t'as, il y avait une chance, puis t'as perdu ta chance parce que le défibrillateur existait pas. Ça existait pas. T'es comme pas né dans le bon air. Est-ce que tu vas parler des croque-morts là, qui croquent les orteils? Ah, ça, c'est dégueulasse. Ah, ça, c'est bon, ça, des croque-monsieur là, à Sodexo, là, la cafétéria. Ils devraient faire un spécial croque-mort. Eux autres aussi, des fois, ils ont l'air morts. Ouais, c'est... Ah! Au moins, t'as pas dit qu'ils servent Jean-Guy depuis qu'il est en retraite. Hé, hey, vous êtes pas gentils! C'est une blague! Je l'aime, c'est une blague. On les aime, nos amis de Sodexo. Oui, on aime pas... On les salue! On aime pas leur prix, mais on aime les gens qui y travaillent. Ouais. En parlant de Jean-Guy, un deuxième type de mort est la mort cérébrale. Lorsque... Je l'aimais beaucoup. Lorsque le cerveau d'un organisme ne démontre plus aucune activité ou possibilité de fonctionner, et ce, de manière irréversible. Le terme irréversible est super important ici parce que le lendemain des parties d'association nucléaire, plusieurs étudiants se retrouvent cérébralement morts. Je peux en témoigner. Sans farce, tomber dans un état de coma, donc un état comateux dû à l'alcool ou toute autre substance, peut mener effectivement à la perte d'activité cérébrale qui est habituellement réversible. Fait que c'est pour ça qu'il faut comme faire la distinction, surtout si t'es un docteur. Écoute ce que je te dis, fais la distinction. Il est important qu'au moment de diagnostiquer une mort cérébrale, qu'on prenne tous ces paramètres en considération, évidemment. Évidemment. la mort cérébrale existe aussi en deux types, parce qu'on ne peut pas faire simple dans la vie. Hein. Il y a la mort du cérébrum, c'est-à-dire la grosse partie du cerveau qui comporte le cortex. Ça, c'est la chose qu'on voit habituellement. Mm-hmm. Et il y a la mort totale du cerveau qui inclut l'inactivité du cérébrum, mais aussi du cervelet, qui est l'espèce de petit cerveau qui est assis en dessous du beau cerveau. Tu sais, c'est le petit cerveau lettre poche qui repose en dessous puis qui gère tout ce qui est respiration, fonction inconsciente. Sanguine, ouais. Là, ouais, t'sais, fait que le cœur, il bat, nanana. Bon, c'est un peu plus compliqué que ça, mais essentiellement, ça sert à ça. Parfois, il y a la mort du cérébrum. Ça, c'est le cortex. Mais le cervelet continue quand même de fonctionner et permet la respiration sans assistance médicale. Moi, j'aurais besoin d'une assistance avec des voyelles et des consonnes. Dans le cas de la mort totale cérébrale, la personne demeure artificiellement en vie à l'aide de machines. Ouais. Fait que là, tu sais, c'est un petit peu plus clear cut, c'est un peu plus évident. Et rendu là, le transfert d'organes à quelqu'un dans le besoin est ainsi possible, ça devient comme intéressant côté médical. Mais tu sais, la personne est morte quand même. C'est triste parce que les proches regardent ça puis ils pensent, tu sais, on voit la personne est en vie là. Je veux dire, elle n'est pas en putréfaction, elle n'est pas rigide, mm-hmm. Elle respire avec des machines ou sans machines si c'est la mort juste du cérébrum, mais c'est vraiment triste parce qu'il faut lâcher prise de ces personnes-là. Mm-hmm. L'espoir est encore là, il pense qu'il va revenir, mais c'est faux. Évidemment, c'est vraiment difficile. C'est un débat incroyable. Incroyablement vaste, oui. Ouais. Mais ces deux types de morts-là, là, clinique et cérébrale, ça complique la tâche de certains, comme le gouvernement ou les héritiers aussi. Hein? Oui. Donc, on a inventé un troisième terme, la mort légale. Et la mort légale, ça, c'est quand t'es mort, mort pour de vrai. Là, selon le plan d'affaires, c'est fini. C'est la bureaucratie dit que t'es mort. OK. OK. Il y a un papier qui le dit. Le formulaire C38. Exactement. Tania, c'est ça. Le gouvernement émet un certificat ou un acte de décès. Hein? Il faut que la mort de la personne soit établie par un docteur ou bedon. Des fois, tu sais, il n'y a pas de docteur puis qu'on retrouve juste un cadavre. Il faut que ce soit une mort évidente par identification d'un cadavre. Puis pour la mort cérébrale, dépendamment d'où on est sur la planète, on la considère parfois comme une mort légale, parfois non. Fait qu'admettons que tu deviens « brain dead », ça se peut que, genre, le gouvernement soit comme « paf, t'es mort », puis des fois, t'es « brain dead », puis le gouvernement est comme « non, non, non, t'es pas mort, on va laisser comme la personne... » Ouais. Il est en stand-by sur des machines pour le restant de sa vie, mais... Ah ouais, il y a des pays dans lesquels t'es vraiment mort si t'es mort cérébral? Oui, ben genre, je pense ici, genre, les États-Unis, puis des plans. Mais il faut vraiment, faire la distinction entre ça et un état végétatif. Okay. Parce qu'on voit souvent dans les téléséries à TVA des gens qui tombent dans des comas, puis des états végétatifs. C'est pas la même chose. C'est pas pantoute la même chose. Le cerveau bouge quand même. Il y a encore de l'activité. Oui, il y a de l'activité, c'est ça. Puis c'est, mettons qu'il y a perte d'activité, puis que c'est réversible, donc on parle pas de mort cérébrale. Quand on pense que ça peut être réversible, là, c'est pas de la mort. Hein? Mais je reviens sur un terme, la mort évidente. Ouais. C'est pas si évident comme terme. Ben, comment donc est-ce qu'une mort peut être évidente? Mettons, je vous demande, Mathieu, Tania, des exemples de critères qu'un corps doit remplir pour être considéré comme un cadavre. Vite de même, là. T'es rendu bleu. Ouais, peut-être. T'as peut-être, ça c'est bon. Ouais, t'es bleu. T'es bleu, dit, ouais, ça okay. Ben, peut. Oui, ben, ça dépend. Un schtroumpf, ça marche pas. Là, t'es blanc. T'es blanc, ouais, peut-être. Froid, t'es froid. T'es froid, t'es blanc, d'autres affaires. On le croque l'orteil, ça réagit pas. T'es plein de sang, là. T'es tout vert, là. T'es plein de sang. T'es tout vert, t'es tout. Ouais. Ouais. Ben, c'est pas mal ça, je pense. Vous êtes dégueulasse en passant, là, de passer à tout ça le matin. On écoute beaucoup de séries policières. Ben, je vois ça. Mais en fait, selon, je vais vous dire, là, je me suis référée à deux sources. Wikipédia et aussi les règlements du Québec. Là. Selon Wikipédia, t'es mort-mort quand t'es un animal à sang chaud, quand t'arrêtes de respirer. Oui. Quoique moi, je le faisais souvent dans ma piscine quand j'étais petite. Moi aussi. C'est encore ça. L'arrêt cardiaque quand t'as plus de pouls. Mais encore une fois, il faut faire attention parce que ça, des fois, c'est réversible. C'est réversible. Un terme qu'on appelle la pallor mortis. Ça, c'est quand on devient pâle. OK. Ça se produit à peu près 15 à 120 minutes après la mort, hein. Livor mortis. Ça, c'est toutes des affaires dans Harry Potter, en passant. Genre, n'importe quoi. Regardez Exact. All of your soul. C'est ça. Donc, livor mortis, ça, c'est quand ton sang se dépose dans les parties inférieures de ton corps. Donc, carrément qu'on voit comme genre que t'es plus rouge, admettons que t'étais couché sur le dos, mm-hmm. puis t'es mort. Que c'est pas une bonne journée pour toi. Que ton sang s'accumule au niveau de la peau de ton dos, de tes fesses, puis le derrière de tes jambes. C'est que vraiment c'est comme ça descend. Ça descend par gravité, là. C'est wow. fucking même. Le algor mortis, c'est quand t'as... Algor. Algor mortis. c'est, ouais. C'est son nom de DJ, Algor. C'est le frère de Alassar Serpentor. Ah, ouais. Oui, évidemment. Ça, c'est quand la température du corps diminue après la mort, hein, si on mm-hmm. considère qu'il y a un état de mort. On a comme deux points à date, là. Ouais, vous êtes vous êtes vraiment bon à date pour vrai. Il y a aussi la décomposition quand on pue puis que ta peau est en sérieusement putréfaction. Si moi je voulais mourir dans mon sommeil, je pense que j'aimerais mieux mourir dans mon sommeil pendant l'hiver parce que ça sent tellement moins. Ouais, mais tu te sentirais pas. As-tu pensé à ça? À part ça, à tout ça. Hein? Ou dans un accident de tour, mais ça c'est une autre histoire, on peut continuer. Elle veut mourir dans un accident de char. Un orignal ou une collision frontale avec un véhicule ou un arbre? Collision frontale avec un mur, tu sais, il y a juste moi à plaindre. Ah, c'est bon ça. Au moins, t'aurais pas tué un animal. Ouais, ouais, exactement. Ouais. C'est sûr, mais tu passes pour une tarte. Non, mais problème mécanique, là. Ah, OK. Ton steering. C'est ça. T'as oublié de mettre l'huile à power steering. Hey! Elle parle pas de son power steering. Elle a vraiment des vrais problèmes de power steering. Attends, t'en sais, c'est vrai. Ça va t'arriver, man. Ah, j'y ai passé. Puis j'ai dit mon gag de power steering, c'est quand tu regardes quelqu'un trop intensément, c'est power steering. Staring. On fait ça au yoga, au power yoga, on fait du power steering. Oh, en tout cas, bon, bref, hey, c'est vraiment n'importe quoi. Ouais, mais Tania, t'as trop pensé à ta propre mort, je trouve ça un petit peu déplacé. Ouais. Je suis désolée, mais j'y pense depuis que je suis petite en plus. Wow. Est-ce ça que... commence à mais... quel âge? Quelle était ta relation avec... avec Dieu? Est-ce que tu essaies de gagner ton ciel? Non, mais je pense que ça découle du fait que je passe le ciel au temple. Comment? Justine en premier, comment? Non. Tania en premier, c'est moi qui l'ai tellement coupé. Justine a dit des niaiseries. Oui. J'ai dit que je pense que ça découle du fait de ma passion de la course automobile. Tu sais que tu vas probablement mourir si t'en fais parce que c'est un sport dangereux. Exactement. Ben, je me suis dit, tu sais, c'est peut-être mieux de mourir de même. Ouais. Ben oui. Eh ben. Mais ça devient peut-être plus un mur de pneus. Justine qui me juge, genre. Non, je te juge quoi? On essaie de t'analyser, Tania. Ah, faites pas ça. T'analyser. T'analyser. T'analyser. Ça a déraillé, je trouve. Ouais, vraiment. Moi aussi, je trouve. Parce qu'il me reste un type de mort évidente à vous parler. Vas-y. C'est vraiment important, c'est le rigor mortis. Quand on est tout rigide. Oui, ben oui, être rigide, c'est vrai. On n'a pas pensé à ça, la rigidité du corps. On aurait dû y penser. Faire la planche. Ouais, exactement. Faire la planche puis de ne pas être conscient qu'on l'a fait. Là. Ça, c'était pas mal mort. Puis là, ça se retrouve sur Instagram puis tu n'as rien fait pour la poster ouais, dessus. C'est comme par magie. Mais au Québec, saviez-vous qu'ils ne sont pas d'accord avec Wikipédia? Ben, ce n'est pas qu'ils ne sont pas d'accord. Là. C'est juste que le terme mort évidente au Québec, là, ça réfère à des affaires un petit peu différentes de tout ce que je viens de vous nommer. Les espèces de 7-8 critères qu'il y avait à peu près. Là. Mm-hmm. Ben, au Québec, il y en a 9. Le premier, c'est ossement. L'ossement. Quand t'es un paquet d'os, quand t'es littéralement des os, là, t'es mort. Ben, oui, t'es mort. Oui, ben, évidemment. C'est un bon point. C'est une mort évidente. Bien, la évidemment. Décapitation, arracher la tête du corps, ding, ding, ding, ding. Un autre point. Le sectionnement complet du corps, genre quand ton top et ton bas de corps ils sont plus au même endroit, au même moment. Aïe, aïe. La compression complète du crâne. Ah, c'est vrai. Oui, oui, oui. L'évidement du crâne. Oui. La putréfaction avancée. C'est dégueulasse. C'est quand tu pues, ça, c'est vrai. Ouais, ça, c'est quand tu t'es lavé pendant vraiment... quand tu t'es pas lavé pendant super longtemps. La momification. Mm-hmm. Genre, tu te fais tuer par un tueur en série qui tripe ses momies, je sais pas. Par Xavier Dolan. Oh my God, ça fait deux jokes de momie de ouais. style Halloween ouais. par rapport à Xavier Dolan. J'ai dit, je vais me déguiser en momie. Hey, t'as-tu un panier d'épicerie que je te virai? En tout cas, il y a la calcination également. Ah, ben c'est oui. brûlé, c'est ça? À Broil, oui. Broil. Et il y a finalement l'adipocire. Ça, c'est quand t'es tellement mort que ta graisse, elle s'est même pas putréfiée. Elle s'est transformée en une espèce de cire, en savon. Hein? Ouais, fait que souvent, ça arrive, les gens qui meurent comme dans des bassins d'eau. Des fois, ça peut être de la putréfaction, mais des fois, c'est de l'adipocire. Hmm. En tout cas, c'est bizarre. Wow. Est-ce que ces termes-là sont jugés selon les morts, justement, qui sont déjà arrivés ici? Au Québec, je sais pas, là, mais probablement. Ben, en fait, oui, ça m'étonnerait pas. Parce que, tu sais, les autres, c'était logique. Sauf que si nous, nos morts sont beaucoup plus atroces... Je sais pas. Ça se peut. Puis là, rapidement, parce que je me rends compte que là, on manque un peu de temps, mais je voulais vous parler du rigor mortis, ouais. qui est la rigidité cadavérée, parce que c'est vraiment intéressant de savoir comment... Pourquoi que je deviens comme toute raide, moi, mm-hmm. le matin mm-hmm. quand je me lève? C'est pas ça. La rigidité cadavérique, ouais, c'est ça. Pas moi. C'est un gag de pénis, ça. Oh non, je l'ai encore fait. Ah, Justine... Le micro est muerte. Non, je vais continuer avec lui. Okay. Je vais être full correct. D'accord. J'ai encore tué le... Elle aime se pendre après son micro, fait qu'il tombe, étrangement, je sais pas pourquoi. Il m'a dit, mais t'es même fois, t'as me tenu pas après. Oui, j'ai dit, ne tiens pas le micro, je disais à chaque chronique, mais bon, c'est pas grave. Hey, on continue. Donc, la rigidité cadavérique, on le voit dans les films, c'est essentiellement la perte d'élasticité des tissus. Merci, tu vas compléter à chaque fois qu'il y a des S puis des C puis des T Parfait. Trop proches. Je t'écoute attentivement. Et c'est notamment à cause des muscles que ça se produit. Cette rigidité-là, c'est vraiment une question de muscles. Donc, vous savez que pour faire une contraction musculaire, il vous faut de l'énergie. Puis là, mm-hmm. je parle pas juste de genre un Timbit au Tim Hortons ou au Dunkin' Donuts ouais, non, ça, ou whatever. Ça prend vraiment là, ce qu'on appelle la monnaie énergétique dans notre corps, ça s'appelle l'ATP. Okay? Et l'ATP, pour la produire, il faut respirer. Puis quand on est mort, ben, on respire plus. Qu'on respire plus de petite monnaie d'échange énergétique, plus de contraction musculaire. Mais là, on pense crème, plus de contraction musculaire, on devrait être plutôt flasque, on devrait être tout mou. Ouais, c'est Mais vrai. En fait, l'ATP, notre monnaie d'échange, sert à desserrer les muscles. Oh. Elle sert en fait à faire entrer le calcium qui fait la contraction musculaire, la faire retourner dans ce qu'on appelle le réticulum sarcoplasmique. Réticulum sarcoplasmique. Sarcoplasmique. Donc ça, c'est une espèce de petite pochette à l'intérieur de nos muscles. On en a plein de petites pochettes. Il y en a à peu près une par unité cellulaire, mais il n'y a pas vraiment des cellules, c'est des fibres dans les muscles, c'est des longues fibres. Puis il y a plein de petites poches qui, elles, vont récupérer le calcium après une contraction. Bien, ce calcium-là, pour rentrer, il y a besoin d'ATP. Donc, si on n'a plus d'ATP puis que le calcium reste dans l'ambiance, tu n'es plus capable de relâcher ta contraction. Mm-hmm. C'est carrément ça qui arrive. Fait que tu es en état de contraction perpétuelle. Et en fait, ceci va perdurer tant et aussi longtemps qu'il n'y a pas début de putréfaction où ce que là, on commence à briser les espèces de liens qui se font entre les protéines. Parce que bon, les muscles, c'est tout plein de protéines. Mm-hmm. C'est protéines-là qui permettent les contractions. Puis si, genre, les protéines sont toutes jammées ensemble puis qu'on n'est pas capable de défaire, bien, il faut attendre que des bactéries, des micro-organismes, des mouches, n'importe quoi, viennent briser ces petites fibres-là, viennent briser ces petites protéines. Puis aussi, d'ailleurs, quand vous mangez comme un super de bon steak et qui vient des États-Unis puis qui est méga tendre, mais pourtant que c'est pas censé être une partie du corps qui est tendre, bien, probablement qu'il y a eu justement ce genre de brisage des fibres musculaires. On peut quoi? On peut provoquer enzymes. Ça? Ouais, okay. Vous pouvez comme... Admettons, là, vous achetez du beef jerky au dépanneur parce que ouais. vous avez une fringale puis ça vous tente de payer 7$ pour du beef jerky. Ben, c'est bon. Il va y avoir digestion de les fibres musculaires pour que ça soit moins rigide avec du jus d'ananas. Vous regarderez dans les ingrédients, parfois, pas tout le temps, mais parfois il y a du jus d'ananas et le jus d'ananas contient des enzymes qui vont venir briser les protéines qui sont en contraction dans les muscles. Donc, voilà pour la rigidité cadavérique. Voilà aussi pour la mort. Et on peut y aller parce que le temps file à vive allure avec une première chanson de Lana Del Rey que j'adore tellement. Born to Die. C'est full trash. Justine Pertine, tout le temps. Oui, c'est ça. On va raccrocher ton micro par la scène. Like I told you, honey, don't make me sad, don't make me cry. Sometimes life is not enough and the road gets tough. I don't know why. Keep making me laugh, let's go get high. The road is long, okay, we are trying to have fun in the meantime. Come and take a walk on the outside, let me kiss you hard in the pouring. We were born to die. châssis craqué dans un coin. Un cœur qui coule entre tes mains. Le loup chante comme la vie est belle. Tu t'en es, tu t'emmerdes. Fuis. C'était le temps mort de Carquois. Mais c'est un mot spécial d'Halloween, on parle de la mort. Juste avant ça, c'était A Sudden Death de The Organs. Et au tout début, Born to Die de Lana Del Rey. Et Lana, elle sait, on est tous sur la planète pour mourir. C'est notre seule chose qui nous unit tous, à part qu'on est né. On va tous mourir. C'est ça dont je traitais aujourd'hui. On est né nu, comme disait l'autre Damien Robitaille. Ouais, on est nénu. Mm-hmm. Oui, nénu fort. Ouais. Nénu. Oh, c'est cute. Bref, c'est ce qu'on appelle l'amore. Merci. Oui. Hein? Ça clôt un peu mon espèce de mini-série de choses qui nous fait peur et qui nous dégoûte à l'Halloween. Oui. Ben, j'en avais juste trois, finalement. C'est pas si pire, non, mais... Parce que j'ai été absente une couple de fois, j'étais à Québec. J'étais encore à Québec hier soir, fait que... T'es encore à Québec là, ouais, non. La qualité oui. de diffusion est tellement bonne qu'on le croirait live. C'est juste que les gens ne savent pas. Le micro, c'est un micro à longue portée. C'est ça, c'est pour ça qu'il tombe tout le temps. Oh, je suis encore en train de jouer avec. Oups! Oups! Faut que j'enche le micro. Ouais, en tout cas... Ben oui, mais ta vis est super petite parce que ça tient avec une espèce de vis et la vis est minuscule. Oui. Je veux dire, t'en as à peu près pour 4-5 tours de ruban autour de la vis. Puis c'est comme genre, c'est pour ça, là. Quand je me pends après, ça tombe. Faudrait que t'aies la vis au début. Hein? Avant ta chronique. Ah, oui, vis la main comme il faut. Puis là, tu te pends. Pour Noël, puis ta vis, puis là, tu te pends. Mon Dieu, t'es. Moi, je sais, c'est bizarre. Hein? On pourrait faire des jeux de mots phalliques aussi avec le micro, mais on fera pas ça. Ben, parce qu'on on est au-dessus de ça. Justement, je comprends pas pourquoi je me pends autant. Ben, c'est pour après, ça, c'est ironique. Ironique. C'est ironique. Justine, ironise. Justine ironique, non, ça juste marche pas. Ironique. Juste ironique. Juste ironique. Juste ironique. Bon. Juste tyrolienne. Ouais. Les gens comprennent plus de quoi on parle, donc on va te laisser partir. Mais merci beaucoup, Justine Renaud. Plaisir. Pour ta chronique Justine Persine, on fait ça aux 2 semaines, les jeudis à 8h. Ouais. Oh, vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Replongeons dans le dîner de con. Un certain midi cette semaine. Quelle mouche a piqué le New York Times avec un titre pareil « Tueriez-vous Hitler bébé? » Mais cette question posée vendredi dernier par le quotidien à ses lecteurs a provoqué de nombreuses réactions sur Internet, mais aussi dans les médias sociaux et ce, partout sur la planète. Donc, une question qui n'est pas passée inaperçue. Si vous pouviez remonter dans le temps et tuer Hitler alors qu'il était encore un bébé, le feriez-vous? La question du prestigieux New York Times Magazine posée vendredi à ses lecteurs en a étonné plus d'un. C'est normal. Si certains ont cru dans un premier temps à un piratage du compte Twitter du journal, eh bien le magazine a confirmé qu'il en était rien, laissant les internautes s'en donner à cœur joie. Le hashtag Baby Hitler était devenu l'un des sujets tendance du site de microblogging du petit oiseau qui tweete. Alors que l'actrice Anna Kendrick remercie sur le réseau social de lui avoir donné le meilleur costume d'Halloween de dernière minute, d'autres s'offusquent de la question « Tueriez-vous un homme ?» demande le New York Times. C'est ce qu'assure l'éditorialiste du magazine Vanity Fair. Là, plein de monde ont ajouté leurs commentaires, surtout sur Twitter. Ça a été une grande bataille sur Twitter. Et quelques internautes lient la question à l'actualité américaine. C'est notamment le cas de Michael Schaub, qui se demande si quelqu'un a posé la question du bébé Hitler à Trump. Ben oui, qui est candidat à la présidence. Donc, sans aucun doute, pour se moquer des nombreuses déclarations polémiques du candidat républicain ou encore de Brian Phillips, qui trouve ironique que de nombreux internautes répondent oui au sondage du journal quand ils protégeraient la vie de leur fœtus. Quant aux médias américains, si la plupart évoquent l'étrange sondage sans pour autant donner leur avis, eh bien certains commencent à par le sérieux Washington Post à prendre parti dans un éditorial publié sur son site Internet. Le Washington Post assure que vous ne devriez pas tuer... Attends un peu, là, je viens d'avoir un beau show. Oui, OK. C'est parce que c'est ça, en tout cas, je vous passe les problèmes, là. Donc, dans cet édito, le Washington Post assure que vous ne devriez pas tuer Hitler bébé. Et le journal indique ce qu'il faudrait faire à la place, c'est essayer de bien l'élever. À la question du New York Times Magazine, 30% ont répondu qu'ils ne tueraient pas le nourrisson. 28% ont dit qu'il était incertain. Et une majorité, 42%, assurait qu'il assassinerait Hitler bébé. Après le déferlement des réactions provoquées, le New York Times s'est fendu d'un tweet de 3 caractères, eh bien, LOL, poussant le site Internet Quartz à assurer qu'il devait s'agir d'un troll. Le message visant à générer des polémiques, le site qualifie ainsi le sondage du New York Times de stratégie de Twitter revigorante. Et vous, est-ce que vous embarquez là-dedans? Dans quelle proportion vous vous mettriez? Est-ce qu'il le tuerait? Est-ce que vous seriez incertain? Ou non, pas du tout. On essaye de mieux l'élever. Hein? Moi, je ne répondrai pas. Dans notre encyclopédie du savoir relatif et absolu, on parle des oméga 3. Serait-il plus puissant qu'on l'aurait cru? Aurait-il même pu changer le cours de notre histoire? Au cours des dernières années, les scientifiques ont découvert plusieurs vertus aux oméga 3. Excellent pour le cœur, il serait aussi bénéfique contre la dépression, l'hyperactivité, l'anxiété, les maladies inflammatoires et cardiovasculaires, allergies, cancer, arthrite, diabète et j'en passe. Selon eux, les Nord-Américains sont gravement carencés en oméga 3 vu le manque de poissons dans leur alimentation. Contrairement à eux, les peuples vivant plus au bord d'océans, comme les Inuits, les Japonais, etc., et qui se nourrissent de poissons, ont beaucoup moins de maladies cardiovasculaires, de cancer et de diabète. Des psychiatres ont voulu tester l'effet des oméga 3 sur des enfants présentant des problèmes de coordination, des retards scolaires ou des symptômes d'hyperactivité. Les résultats sont éloquents. Sur 117 enfants, ceux qui ont reçu le traitement ont progressé 3 fois plus vite en lecture que ceux qui avaient reçu le placebo. Leur comportement s'est aussi énormément amélioré. D'autres pédopsychiatres ont fait des exercices semblables et en sont venus au même résultat. L'oméga 3 est un excellent gras qui contribue à un bon drainage de nos cellules ainsi que de nos neurones. Or, ce gras provient de ce que nous mangeons. Si nous avalons surtout des gras saturés, qu'on trouve pratiquement dans toute l'alimentation carnivore, en plus des fast-foods, eh bien, nos neurones risquent de devenir plutôt rigides et paresseuses. Alors, si nous mangeons des oméga 3, nos neurones seront plus souples et la communication cellulaire sera bien meilleure. En plus de modifier la structure même des neurones, ils agissent aussi sur leur fonctionnement. Ils influencent la synthèse de la sérotonine et de la dopamine, les neurotransmetteurs de la bonne humeur. Mieux, ils poussent les neurones à se ramifier davantage pour établir de nouvelles connexions. Ah, ces oméga 3. D'après quelques chercheurs, ils auraient même joué un rôle fondamental dans l'évolution du cerveau humain. Le cerveau de l'homme préhistorique aurait connu un développement prodigieux quand nos ancêtres se sont installés près des côtes et des plans d'eau et qu'ils ont commencé à se nourrir de poissons et de coquillages. Les poissons auraient joué un rôle capital dans l'augmentation de la taille de notre encéphale et dans le raffinement de sa mécanique. On pense que l'homme moderne a encore grandement besoin d'oméga 3 car nos neurones sont enveloppés d'une couche de gras indispensable à leur bon fonctionnement. Vraiment très, très intéressant cet article sur les oméga 3. Et toujours dans notre encyclopédie du savoir relatif et absolu, on parle ici de la symbolique de la pyramide. Pourquoi pas? Eh bien, je vous envoie ici les fonctions symboliques de la pyramide. Les pharaons n'ont pas seulement construit les pyramides pour que leur nom reste dans l'histoire. Semble-t-il qu'il y a des raisons plus subtiles. Dans la culture égyptienne, la pyramide servait avant tout de demeure d'éternité pour le pharaon, mais elle avait aussi un rôle plus subtil, plus symbolique. Selon les textes des pyramides, eh bien, la forme des pyramides serait en étroite relation avec le dieu solaire Ré ou Ra, hein, ça dépend comment on le prononce, et avec le soleil lui-même. En effet, ces textes relatent que lorsque le pharaon mourait, le soleil durcissait ses rayons pour permettre au pharaon de s'en servir comme d'une rampe et ainsi s'élever vers le ciel. Dès lors, on peut considérer que la pyramide est une représentation matérielle de cette rampe sur Terre. Hein? C'est un grand escalier. Le temple funéraire constitue, avec la pyramide, le complexe mortuaire du pharaon. Il est joint à la partie est de la pyramide et il est relié par une longue chaussée à un second temple en contrebas, à la lisière du désert. Ce dernier sert à réceptionner les offrandes funéraires du roi acheminées par bateau à partir des domaines agricoles rattachés à son culte. La forme pyramidale du tombeau royal se rapporte également au dieu Ré. Selon la tradition égyptienne, le phénix, appelé Bennu chez les Égyptiens, était l'incarnation de Ré sur Terre. Or, il se fait que le phénix divin était représenté perché sur un tertre pyramidal nommé le Benben, symbole du dieu solaire. Le Benben symbolisait la colline originelle qui avait émergé de l'océan primordial et représentait donc l'existence. La pyramide avait pour rôle de rendre le pharaon immortel dans les cieux et sur terre parmi les hommes. Il est aussi intéressant de s'interroger sur l'étymologie du mot même « pyramide ». M-E-R en égyptien, on appelle ça mer, OK. Autrefois, on désignait souvent les éléments constitutifs des temples et des enceintes sacrées par des noms représentant leurs fonctions. Par exemple, la maison d'Héliopolis abritant le Benben était appelée la maison du Benben. Les tombeaux, étaient quant à eux nommés les demeures d'éternité. À la suite d'une étude étymologique, on a conclu que mer, M-E-R, équivaut à la place de l'ascension, ce qui paraît logique au vu des révélations faites ci-dessus. Malheureusement, il ne s'agit là pas d'une certitude, car de nombreux mystères enveloppent encore actuellement la langue des hiéroglyphes. Quand même assez particulier, on en a appris un peu, mais pas autant que j'aurais voulu. Ici, en vidéo, c'est à voir, c'est un jeune homme qui n'a pas de doigts, mais qui fait des tours de magie plus qu'époustouflants. C'est un jeune Anglais touché par une méningite qui a perdu ses doigts et qui ne l'empêche pas d'être un excellent magicien. Il s'appelle Dean Lahan. Il a 18 ans. Il habite dans une banlieue de Manchester. Il a perdu ses doigts, ainsi que sa jambe droite à l'âge de 18 mois. À cause de la maladie, mais cela ne l'a pas empêché d'atteindre son rêve sur Internet, il se fait appeler The Fingerless Magician, ou si vous aimez mieux, le magicien sans doigts. Ses vidéos font vraiment un carton. Sont très, très populaires et ça fonctionne pour lui. Le jeune homme a commencé la magie il y a seulement 5 ans et je le cite, « Je pensais que j'en serais incapable, mais j'ai tout de même décidé d'essayer. » Résultat, même s'il doit s'entraîner et adapter ses tours en fonction de son handicap, il le parvient à réaliser les tours que même d'autres magiciens avec leurs doigts ne sont pas capables. Dean Lahan s'est spécialisé dans les tours de cartes en close-up. Cette technique de magie nécessite d'être très, très près des spectateurs et repose essentiellement sur son agilité ainsi que sur sa dextérité. Allez voir la vidéo, il est bluffant. Et ici, un homme affirme avoir trouvé le trésor des nazis grâce à une partition musicale. Donc, Leon Jason, un réalisateur et musicien néerlandais de 51 ans, a récemment indiqué avoir résolu le mystère du trésor caché par les nazis à la chute du Troisième Reich en 1945 grâce à une partition de musique. Leon est un explorateur des temps modernes et, d'après ses recherches, de l'or, des joyaux et des œuvres d'art jamais retrouvées par les Alliés seraient à Mittenwald, un village du sud de l'Allemagne à la frontière autrichienne. Pour parvenir à ses conclusions, le chasseur de trésors a analysé une partition de la marche impromptue du compositeur Federlein, sur laquelle le secrétaire d'Adolf Hitler aurait écrit ces mots « Wolf Matthias des Seitenstreichel » ou « Matthias pince des cordes ». Pour Léon, le conseiller nazi faisait référence au luthier Matthias Klotz, qui a vécu de 1653 à 1743, qui fait de Mittenwald la capitale allemande du violon. Les portées des notes symboliseraient la ligne de chemin de fer de l'époque et l'emplacement du trésor sous l'ex-terminus de la ville. L'explorateur cherche une équipe d'archéologues pour faire les fouilles sur place. Une histoire à suivre. Vraiment. Sur ce, tiens, j'ai le goût d'aller en musique. Ah oui, je vais vous faire écouter une track, tiens. Bonne idée. Vendredi, tiens, je vais faire ma plug tout de suite. Vendredi, à l'atelier Silex, il y a la soirée Caniche Zombie. Je vous lis le communiqué de presse. À la demande générale, l'atelier Silex revient avec sa soirée Danse Underground pour sa 4e édition. Le caniche se vampirise. Ne manquez pas le party d'Halloween avec la musique la plus audacieuse en ville. Donc, la soirée, c'est une soirée bénéfice qui est une idée originale d'Annie Pelletier, de Sébastien Dulude, Martin Brousseau et Fontaine Le Riche, ainsi que le collectif artistique Les Quoi. C'est ça. Donc, c'est quoi? Là, on nous dit plein de monde. Le concept a été réinventé afin de créer une ambiance glauque parsemée d'éléments surprises. Il faudra le voir pour le croire. Cette année, c'est 8 DJ qui viendront vous faire bouger, oui. Le public est invité à se déguiser. On a Philippe Allary, François Bernier, Stéphane Corriveau, hein, qui est ici même, ou assez fou, Martin Côté, Steve Doyon, Julien Gay, Danny Janvier, moi-même, et Simon Ouellette qui vont vous faire groover une soirée de danse underground. En plus, pendant cette soirée de financement, les saucisses du Fouquet Morel seront en vente, ainsi que la bière du Trou du Diable, ainsi que des cocktails terrifiants. Rendez-vous à ne pas manquer à l'Atelier Silex au 1095 Père Frédéric à Trois-Rivières. Et puis, je vais jouer un set là-bas, mais on est quand même 8, là, ça va être des sets assez courts. J'ai décidé de faire un pré-lancement de mon album qui sort bientôt. C'était supposé de sortir là, en tout cas, plein de problèmes qui arrivent. Mais donc, je sors mon nouvel album qui se nomme « Paris-Idolie ». On va aller écouter, tiens, la première pièce de cet album qui se nomme « Balade sur Stratford, Inverness, etc. » Bing, bang, bang, ça continue. Donc, on s'en va tout de suite écouter la pièce de Bio Bazar, Balade sur Stratford. On y va.